Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. La meuf s'est grattée la chatte, mais violent! Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel, tous les lundis. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast. Il s'agit du 14e. Waouh. Et vous savez, le temps file comme des voitures. C'est un truc que je dis souvent. C'est bien vrai. Une nouvelle émission un peu particulière, car aujourd'hui, point de Adrien Méniel. Oh. Malheureusement, il n'est pas présent. Il nous a fait un petit malaise avant de venir. Qu'à cela ne tienne, j'ai envie de dire, car nous avons trois invités autour de la table. Je vous prie d'accueillir et de faire un maximum de bruit pour Luciole. Merci, je suis ravie d'être là. Luciole, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors du coup, moi c'est Luciole. Merci. Ah oui, au revoir. Top. Très très bon début. Je travaille chez Golden Moustache. Qui fais-tu? Que fais-tu alors, là-bas? Plusieurs choses, je suis la community manager déjà depuis un an. Il y a de quoi en même temps. Oui, non, mais c'est je vrai. Je passe des petits trucs. Il y a du follower, hein, on peut le dire. Je clique sur publier, voilà. C'est mon petit quotidien. Et également auteur aussi chez eux. Auteur et un peu comédienne depuis 2 ans maintenant. Et à la base, je faisais des vines. Donc, il y en a peut-être commencé sur cette application auquel nous rendrons hommage pendant toute cette émission. Exactement, une pensée pour Vine. Qui doit bien se marrer là-haut avec Coluche et Décroche. À jamais dans nos cœurs. Ouais, ça existe plus du tout. L'application n'existe plus. Après, je crois que tout est sauvgardé pour chaque personne. En fait, les vines n'ont pas été effacées, si tu veux. Je crois qu'elle existe juste pour, comme un truc d'archive, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il existe la caméra Vine aussi. Tu peux plus construire de Vine. Si. La caméra Vine existe toujours. En vrai, techniquement, tu peux le faire avec n'importe quel logiciel de montage. Ouais. Enfin, voilà, mais tu peux plus poster sur le logiciel. D'accord. Vine. Il y a plus le réseau social. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai fait plus des snaps. Voilà. Donc, sur Snapchat. Mais oui, on en parlera. Il y a des gens qui t'ont posé des questions au niveau du Snap Game. Oui. Je sais pas, j'ai inventé ce terme, mais je le trouve plutôt pas mal. Ça marche. Snap Game. Voilà. Nous sommes également avec Antoine. Antoine qui m'a dit son nom de famille au début de l'émission, mais c'est déjà parti très loin. Je vais le dire en français, c'est petit plomb en italien. Oh, voilà. Ouais, oh. Les férues de langue du sud seront appréciées. Je pense qu'en plus ça se dit pas trop comme ça, mais bon. Antoine, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Les férues de podcast auront reconnu ta voix. Alors je présente un podcast qui s'appelle 2 heures de perdu. J'anime aussi, parce que là, j'ai l'impression que tu as fait un CV quand même un peu long. Ouais, trouve plein de synonymes à présenter. Voilà, du coup. J'ai fait un TPE en la tectonique. J'ai peut-être trouvé. J'anime une émission qui s'appelle La Bande FM. Tout à fait. Une fois par mois, mais on n'en a fait qu'une, donc on verra si la fréquence sera vraiment une fois par mois. Et puis c'est tout. Comédien, présentateur, animateur de 2 heures de perdu. Voilà. Et puis, est-ce que c'est toi qui... Je me posais la question d'ailleurs, est-ce que tu chapotes un peu tout ce qui est fréquence moderne? Est-ce que tu as un peu ton œil sur toutes les... Tu co-chapotes, voilà. D'accord, alors, très bien. C'est une association. D'accord. Donc, loi 1901, etc. Donc, il y a une forme de vote. Ouais, bien sûr. Mais je prends la décision finale. Ouais, bah oui. Voilà. Ouais, parce que c'est comme ça que ça marche. À la fin, je dis, voilà, on a voté, mais de toute façon, je m'en bats les couilles. Ouais. On fera ça ou ça. On connaît le podcast indé. On connaît bien. C'est vérolé par le pognon et les ambitions personnelles, vous le savez. Nous sommes également avec Antoine Daniel. Ouais. Je m'applaudis. Antoine Daniel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh ben moi, je fais des vidéos. Je faisais il y a des années. Souvenez-vous. Non, je fais des vidéos sur YouTube. YouTube. On m'a principalement connu avec What the Cut. Et j'ai sorti récemment une série audio qui s'appelle Kite Vanilla et j'ai fait plein de petites merdouilles sur Internet droite à gauche. Et on me connaît aussi effectivement pour être présent, puis absent pendant très longtemps, puis représent, puis très absent, puis représent. Sur le web. Exactement. Oui, tu fais des petits allers-retours. Présent ou pas? Là, c'est mi-présent. C'est, C'est une amorce de présence ou c'est une amorce de disparition? J'ai été très présent ces derniers temps et c'est Je sais pas. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Pas de décision hâtive, je vous en supplie. On prendra la décision à la fin de cette émission. Il y a un vote hein, qui est présent sur Internet. Vous déciderez de l'avenir d'Antoine pendant l'émission. Écoutez, les amis, je suis très heureux que vous soyez là. Nous allons bientôt passer au premier. Il y a des gens qui écoutent le podcast autour de la table. J'ai écouté surtout les premiers, mais les derniers, je dois t'admettre que j'ai. Écoute, c'est un petit crochet. Ouais, c'est devenu quand même beaucoup moins bien. Bah ouais. Non, on va passer à la première partie où on fait des recommandations culturelles. Ah, mais avant toute chose. J'adore la culture. Mais avant toute chose, nous allons appeler Adrien Méniel pour prendre de ses nouvelles. Et pour qu'il se présente, pour les gens pour les gens qui ne connaissent pas. Allô? De la meilleure voix. Bonjour Adrien. Oui. Tu es en léger différé sur Floodcast. Bonjour tout le monde. Bonjour les invités. Bonjour Adrien. Écoute, on est très content de t'avoir. Est-ce que tu peux, parce que là le public, bon, il est en train de frémir, un peu comme toi dans ton canapé, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui t'arrive, Adrien? C'est un petit coup de mou, j'ai envie de dire passager. J'étais vraiment parti dans la rue pour venir à ton domicile et j'ai fait demi-tour parce que je me sentais pas très bien. D'accord. Comment? Non, je disais, t'es en train de niquer l'ambiance. Est-ce que tu peux peut-être ajouter un gag à tout ça, s'il te plaît? Oui, je me suis levé pour uriner et j'ai eu un renvoi comme si j'allais vomir. Est-ce que c'est un gag? C'est pas mal. On est tous non, on est OK. On est OK avec ça. Je t'embrasse, Adrien. On te fait des bisous. Bisous. Ciao. Bye. Donc, on va passer à la première partie de l'émission. Qu'est-ce qui vous a plu récemment dans le domaine du cinéma, de la littérature, de la série TV, du théâtre moderne, voilà. La musique, on a le droit aussi. On a le droit. Et le web aussi, parce que. Alors, moi, je suis féru de web, donc tu peux vraiment y aller. Luciole, est-ce que tu veux commencer? Eh ben, allons-y, parce que j'en ai qu'une, et du coup. Je t'en supplie. Quelqu'un d'autre là. Bref, moi, c'est web. Putain! Non, c'est pas plus vrai. YouTube. Et alors, moi, mon coup de cœur de cette dernière semaine, c'est Monsieur Flap. J'étais sûr que t'allais dire ça, je sais pas pourquoi. Sérieux? Je te vois bien. Parce qu'elle adore la bite et les couilles. Enfin, moi, c'était ça que totalement. Je sais que t'es féru de couilles. Ah, bah attends, c'est mon truc. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est Monsieur Flap? Alors, Monsieur Flap, c'est une petite série sur Studio 4, pour ceux qui connaissent. Qui a été étalé sur un mois, si je dis pas de conneries. Deux mois, plus, je ne sais plus. Enfin, bref. Je propose qu'on dise 15 mois. Voilà, on va partir sur 15 mois. Bref. Et c'est l'histoire de Monsieur Flap. Alors, Monsieur Flap, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, c'est un être humain qui a été inversé. On ne sait pas trop comment. Mais dans tous les cas, sa tête est au niveau de son cul. D'accord. Donc, et son cul est au niveau de sa tête. Voilà. Et du c'est coup, un bon pitch pour faire deux mois de. C'est toi qui viens. On part sur deux mois directement. Oui. On a jusqu'à la saison 7 là. Hein, donc. Cul, là déjà, les gars, j'en ai déjà sans. C'est même le générique. Le générique, c'est Monsieur Flap a une tête de cul. D'accord. Voilà. Okay. Moi, j'adore. C'est dit dès le début au moins. Et du coup, donc, Monsieur Flap est très amoureux d'une fille qui travaille en bas de chez lui. Où sa tête est à sa place la, non, la oui, voilà. Oui, voilà, d'accord. Tout le monde est assez normal. D'accord, ok. Tout le monde est. Enfin, normal, ça va, monsieur, la ségrégation. Alors, il est très normal avec son machisme, excusez-moi. Oui, s'il te plaît. Et le pauvre Monsieur Flap, c'est joué par des êtres humains ou c'est une série animée? C'est animé, désolé, oui, j'ai oublié. Ah oui, pardon, parce que je. Ça me paraissait tellement logique. Désolé. Non, c'est avec Gaspard, ça serait très bizarre, effectivement. C'est avec Gaspard Ulliel. Catherine Deneuve, ah oui, non. Beau caméo. Complètement oublié de préciser, t'as raison. C'est parfaitement animé, voilà. C'est pas des mecs qui ont des couilles sur la tête. Malheureusement, parce que j'aimerais bien avoir une version. Il me semble que Zack Snyder bosse sur un. Amis de Studio 4, la balle est dans votre camp si vous voulez faire la version avec des vrais acteurs. Mais ils sont déjà en train de faire la version en anglais. Ah oui, d'accord. J'ai vu passer l'épisode 1 aujourd'hui en anglais, j'ai fait ah yes. Mais ça cartonne ça en plus. Enfin, j'ai vu beaucoup tourner. Ça a super bien marché. Et du coup, voilà, donc on va suivre les aventures de Monsieur Flap qui essaye de séduire la fille. Et c'est compliqué parce qu'il a une tête de cul. Bah oui. Et comme dirait le générique, l'amour c'est difficile quand tout le monde voit ton anus. c'est vrai. Qui est une phrase de Baudelaire, à la base. Voilà. Oui. Non, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Et alors, c'est disponible comment? Où? Tu as dit le web, tout est gratuit. C'est ça. Donc, c'est sur YouTube, sur la chaîne de Studio 4. D'accord. Et là, je vous le dis maintenant. Et tant mieux, parce que tous les épisodes sont sortis. D'accord, donc, ok. Vous pouvez tout enchaîner. Ça dure des épisodes moins de 10 minutes. Même, ouais, c'est genre 4-5 ouais, minutes. Ça dépend des épisodes, en fait. C'est moins de 10 minutes. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est un épisode, comment on dit? C'est feuilletonnant? Ou il faut avoir vu l'épisode 4 pour comprendre le 5 ou... Ah, il faut tout avoir vu. Enfin, il faut avoir regardé dans l'ordre. D'accord. J'ai du mal avec le terme feuilletonnant. Mon cerveau a décroché. Il a fait démerde-toi parce que j'ai rien compris, meuf. Enfin, bref. Du coup, oui, il faut bien suivre dans l'ordre parce qu'il y a une. D'accord, il y a une petite histoire. Mais dans tous les cas, les dessins sont très cool et le doublage est excellent. Vraiment, je recommande à fond. C'est francophone? Oui. D'accord. Et bah écoute, les auditeurs googliseront. C'est ça. C'est un vrai verbe, je sais pas. Je sais pas s'il se conjugue comme ça. Oui, oui, oui. Antoine, qu'as-tu à nous conseiller pour nos amis auditeurs? Eh ben, c'est une redécouverte, puisque c'est un truc qui existe déjà depuis longtemps. Je relis Watchmen d'Alan Moore. D'accord. Et je ne sais plus comment s'appelle le dessinateur de Watchmen. Uderzo, bien sûr. Oui, j'hésitais entre Uderzo et j'en ai pas d'autres. Et c'est une tuerie absolue. Vraiment, oui. C'est une leçon de comment raconter une histoire. C'est incroyable. Parce qu'en gros, c'est pour ceux qui ont vu le film Watchmen, en fait, dans un film, on utilise des procédés avec du flashback, etc. Et dans l'histoire de la BD, en fait, il croise des cases. En fait, il raconte le passé en même temps que le présent. Il raconte des histoires dans des dialogues, etc. C'est un produit qui est... Oui, c'est un exemple de narration pour beaucoup. Vraiment, c'est une leçon. C'est incroyable. Et puis même, toute l'histoire est hyper intelligente autour de la guerre froide, le fait que ce soit une uchronie. Enfin, vraiment, je suis bluffé en relisant cette BD. Parce que vraiment, à chaque page, je me dis, putain, mais il y a une idée par page. Et en plus, comme je connais la fin, je sais ce qui va se passer, etc. Mais c'est, c'est du génie, c'est du pur génie. Oui, c'est une vraie BD qui se relie assez souvent. Et même si vous avez vu le film, franchement, lisez la BD parce qu'elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas moins bien ou elle est mieux même. Mais surtout, elle apporte plein de choses que vous n'avez pas dans le film et qui sont assez intéressantes aussi. Et voilà. Après, le film, moi, c'est le seul Zack Snyder que je trouve. Ah, il est cool, moi, j'aime bien le film. Ouais, il est bien. Il est vraiment, le film est génial. C'est le seul film de Zack Snyder. Chié à la gueule. C'est le seul film de Zack Snyder que t'aimes bien. Je crois que c'est un des seuls, ouais. Que je me casse. Oh, le truc avec les chouettes, c'était sympa. Je rigole, le truc avec les nanas, la Sucker Punch. Bah, moi, j'ai pas aimé Sucker Punch. J'ai pas aimé Sucker Punch. Mais il a détesté aussi. Ils ont fait une émission, deux heures de perdu sur Sucker Punch. J'ai pas le tout aimé non plus. Non, mais après, les autres Zack Snyder, je vois pas trop, mais je vois plus trop qui c'est. Il y avait 300, il y a eu Batman Superman, Man of Steel. Oui, c'est Watchmen, en tout cas, reste son meilleur, moi, je trouve. Je trouve aussi, effectivement. C'est sûr. Voilà, c'était marrant. C'est que tout le monde connaît, qui existe déjà. Voilà. Oui, mais ça fait toujours du bien de se replonger dedans. Et d'ailleurs, je me disais, est-ce que... Non, enfin, le truc fait 30 000 pages, mais personne n'a lu son bouquin à Alan Moore. Là. Il a sorti un truc qui s'appelle Jérusalem. Non, moi, je ne l'ai pas. D'accord. J'ai jamais appris à lire. Game over, quoi. Ah, comme je te comprends. Antoine Daniel. Je vais t'appeler tout le temps Antoine Daniel. Je sais. Bien sûr. Tu vas appeler Antonio, tu vois. Ouais, appelle-moi Tony. Oh, je vais t'appeler Tony. Tonino. Non, fais pas ça surtout. Certainement pas. Tonino, ça prend un peu chier. Tonino. Tonino. Qu'est-ce que tu as apprécié récemment de façon culturelle? Alors, je vais dire un truc qu'en fait, j'ai pas regardé récemment, mais l'année dernière, mais sauf que c'est très peu connu. Du coup, j'aimerais bien en faire la promotion. Enfin, beaucoup de gens ont entendu parler, mais peu de gens ont regardé. C'est la série The Young Pope avec Jude Law. D'accord, oui, bien sûr. Qui est une série franco-italienne faite par, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Paolo Sorrentini, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Tarantino. Non, Quentin c'est Tarantino. Pas lui. Non, c'est Sorrentini. Sorrentini? Ouais. Sorrentini ou Sorrentino, je ne sais plus. Ça fait un bluff, je pense. Pardon à nos amis italiens, ça fait deux fois qu'on leur manque de respect dans ce podcast. Et pour moi, ça a été la grosse claque de l'année dernière. En fait, je me suis vraiment. Enfin, c'est ma série préférée l'année dernière. C'est une mini-série, donc il y a très peu d'épisodes. Je crois qu'il y en a 6 ou 7, je ne sais plus. Et c'est incroyable, en fait. Il y a vraiment, ça a vraiment un cachet très unique. C'est très prenant, étrangement. Alors que pour moi, le thème à la base, je m'en bats un peu les couilles, en fait, de ce qui se passe au Vatican. Mais c'est. Waouh, mec. Mais... On a beaucoup de chrétiens qui nous écoutent. Si tu pouvais éviter de manquer de respect. Pardon. Tu t'en battes les couilles aussi de tout ce qui se passe. Je m'en bats les couilles de ce qui se passe en Italie. Non, merde. Il y a beaucoup d'Italie. Enfin, bref, c'est pas un sujet qui me parle plus. Qui me parle plus que ça. Mais le traitement et la façon dont c'est fait, c'est. Jude Law est absolument incroyable. Est folle. Et il y a pas Cécile de France aussi. Et oui, elle joue absolument dedans. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs italiens principalement, quelques acteurs français. Je le rappelle, nique les Italiens d'ailleurs. Madarol est italienne, ça fait plaisir. Nique ta Darol. Elle est fan de Floodcast, c'est faux, personne n'écoute. On les a perdus. Non mais voilà, je ne saurais que trop conseiller cette série qui est produite, il me semble, par Canal justement. D'accord, ok. Diffusée par HBO aux États-Unis. D'accord. Et c'est vraiment super, super, super bien. Vraiment. Et est-ce que c'est parce que moi, j'ai juste vu des grosses pubs dans le métro et je ne me suis pas du tout intéressé. Ouais. C'est comique, c'est ironique, c'est. Alors comment... c'est assez cynique effectivement. D'accord, ok. C'est à la fois comique et ça très. Ça avait l'air un peu. Ouais, mais en fait, c'est à la fois un peu comique mais très sombre. Plus ça avance, plus c'est sombre et profond en fait, et j'ai trouvé ça vraiment fou, mais je peux pas trop en parler sans dévoiler ce qui se passe. D'accord. Juste si vous regardez l'épisode 1 est peut-être un peu dur à avaler, mais dès l'épisode 2, c'est juste fou, je trouve. C'est vraiment le nouveau truc des séries de dire, bon, écoute, bon, les 5 premiers épisodes, c'est vraiment relou. J'ai dit les 5 premiers, j'ai dit après, le premier. Faut se mettre dedans, Et j'ai pas dit que le premier était mauvais, c'est juste que c'est pas le truc qui te révolutionne, okay, ouais. Mais l'épisode 2, la scène de fin m'a vraiment scotché. Ce qui est déjà bien, dès le deuxième épisode, c'est déjà fou. Et hein. Toute la suite m'a vraiment scotché, et j'ai adoré, vraiment. Est-ce que c'est une série à twist ou à cliffhanger? Pas du tout. Ouais, d'accord. Absolument pas. Et il y a combien de saisons? Une. Une seule, ouais. Une, donc c'est 7 épisodes. Il y en aura une deuxième ou pas? Oui, mais elle sort dans longtemps. D'accord, voilà. Dans 32 ans. Donc, faut vraiment prendre son mal en patience. Il me semble que le tournage est en 2018. D'accord. Voilà. Très bien. C'est sur Netflix? Non. Bah, j'ai pas regardé. Voilà. Bah oui. Eh bien, Luciole, tu m'offres une transition que n'aurait pas renié Michel Denisot. Ouais. Puisque moi, je vais vous faire un conseil Netflix. Ah. Michel Denisot m'aurait moins envié ma prononciation. Ouais. Un conseil Netflix, puisque j'ai vu le documentaire Jim et Andy. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas regardé. Alors, je vais recontextualiser un petit peu. Jim et Andy est un documentaire sur le tournage du film Man on the Moon. Ah oui, Film de Milos Forman avec Jim Carrey. Excusez-moi, je risque. Il y a Antoine qui se goinfre de chips. Antoine de 2 heures de perdu, je le dis pour les gens qui pensent qu'Antoine. Je mange des chips, mais pas en me goinfrant. De façon tout à fait tranquille. Moi, j'ai mangé beaucoup trop d'affilée. Il y a d'autres paquets, Antoine. Hein, t'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut. En fait, je vois l'autre Antoine en train de taper dans le paquet. Putain, la balance. Pareil, là, vous m'avez donné trop. Tu sais, comme quand t'es avec tes cousins, il y a un paquet de pépitos. Ouais. Bon, potentiellement, on peut pas genre faire la règle, chacun va en prendre 3. C'est celui qui mange, dès qu'il a fini, il peut en prendre un autre. Je suis exprès de tourner le micro pour qu'on entende pas le mec qui balance, quoi. C'est ouf. Je le laissais dans le creux de ma main. Moi, j'étais genre, non, mais on sait jamais pour plus tard. Donc oui, Jim et Andy, c'est sur le tournage de Man on the Moon, qui est un film de Milos Forman sur Andy Kaufman, qui était un humoriste. Et Andy Kaufman est interprété par Jim Carrey. Et Jim Carrey, à cette époque-là, et toujours un peu beaucoup, il est dans un trip un petit peu, voilà, je n'existe pas, là, nous ne sommes que des énergies, ce que je ne juge absolument pas, mais en tout cas, il s'est vraiment mis à corps et âme dans le rôle d'Andy Kaufman. Quand il en parle dans le documentaire, il dit que ce n'était pas lui, en fait. Vraiment, Andy Kaufman est rentré en lui à la manière de Edith Piaf dans Marion Cotillard, parce qu'elle avait dit la même chose, en fait. Ce qui est ouf, en plus, c'est que le personnage, enfin, Andy Kaufman, dans la vraie vie, était comme ça aussi. C'était une personne qui vivait à 100% son personnage aussi. C'est ce que dit un peu le documentaire. Mmh. C'est de dire, en gros, Jim Carrey dit, ben, Andy Kaufman l'aurait fait comme ça. Donc, en fait, je l'ai fait comme Andy l'aurait fait. J'ai vu un documentaire sur Andy Kaufman où il dit que Jim Carrey. c'est le 2. Et voilà. Et le documentaire est très intéressant. Il est vraiment très sympa à voir. Il est un peu bruyant parce qu'en fait, les personnages d'Andy Kaufman, c'est vraiment que des mecs qui font. Et moi, j'ai voulu faire un peu le gars. Je re-regarde Man on the Moon, qui est un de mes films préférés. Je regarde Man on the Moon et j'enchaîne avec le documentaire. Eh bien, je n'ai pas pu le faire la première fois parce que j'en avais vraiment plein le cul de Jim Carrey qui hurle en faisant... Jim Carrey ou Kaufman? Ok, non, parce qu'il y a l'autre aussi, j'ai oublié son nom, le gros moustachu avec des lunettes. C'est pas John, c'est... Bon, je sais plus. John a une info, c'est pas John. Non, mais c'est pas pourquoi j'avais John en tête, qui a une dégaine à la Elvis Presley. Ouais, non, mais qui a une espèce de gros dégueulasse, qui était un personnage quand Jim Kaufman jouait aussi, donc c'est un bordel. C'est un bordel. C'est un peu déprimant, Man on the Moon. Man on the Moon est super déprimant. Je sais que ça m'avait mis le cafard de ouf. Moi, je ne veux pas vous spoiler le film, mais il y a une de mes scènes préférées de l'histoire du cinéma dans Man on the Moon. Et vraiment, je peux rien vous dire. Qui se situe vers la fin. Pas la toute fin, un tout petit peu avant. Quand tu parles de Man on the Moon ou de Jim? Non, de Man on the Moon. Je vais vous dire quand il part dans un autre pays. Ouais. Voilà, je ne dis pas plus. Oui, d'accord. Je trouve une scène magnifique, incroyablement réalisée. Et Milos Forman est un des plus grands réalisateurs qui existent. Ouais. On ne le dit pas assez, mais il a quand même fait Amadeus, Volo Tudan et Coucou. C'est un génie pur. Et donc, ce documentaire, pour y revenir, montre Jim Carrey qui est en mode acteur studio de ouf, qui se prend pour Andy Kaufman, qui envoie chier tout le monde, qui est full relou. Il est vraiment horrible. Il est full relou. T'as envie de lui foutre des gifs tout le temps. Et moi, et du coup, je suis content que tu l'aies vu, Luciole, parce que je suis un peu emmerdé. Ouais. Parce que j'ai pas été épaté de ouf. Parce que moi, je me suis juste dit, mec, t'es juste chiant, quoi. Enfin, sait que t'es un bon acteur. T'as pas eu besoin de faire ça sur d'autres films où t'étais super. Et là, vraiment, j'étais là, genre, j'en peux plus de ta gueule, tu fais que hurler. Après, c'est super intéressant. Le mec est vraiment, c'est trop, trop intéressant à voir. Et le Jim Carrey d'aujourd'hui est assez intéressant. Oui. Quand il est en mode face caméra et qu'il parle de la vie et de sa dépression, enfin, il ne dit pas le mot dépression, oui, mais clairement. C'est clairement ça. Hein, c'est clairement, c'est ça. Et ça commence avec lui, d'ailleurs. Il tapait des, il tapait des anxiolytiques ou des trucs comme ça, non ? De malade. Si, si, on sait un peu, par exemple. On a les sur... Si, si, on a. Non, mais je sais que sur Eternal Sunshine, il était full cacheton. Sur Eternal Sunshine, il était très, très, très mort. Il y a le mec qui changeait la couleur de cheveux. Oui, mais il ne ment pas seulement. C'est ça, c'est du produit, quoi. Il y a un behind the scene de Eternal Sunshine que j'avais vu il y a longtemps. Où Jim Carrey se drogue. On le voit. Il se fait un garrot. Non, mais on le voit, il est si triste, si triste. Il est là, il fond en larmes et tout. C'est terrible à voir. Et victime ! Pardon, excusez-moi, je me suis énervé contre Jim Carrey. L'ascar, il vient de lui péter la tête. Il se fait clope. Tu le vois dans le métro, il chie dessus, c'est terrible. Entre deux scènes, il se fait péter ses clopes, le gars. Enfin bon, donc là, le documentaire est quand même super intéressant. Ouais. Mais moi, c'est vrai que j'étais moins dans le truc genre, putain, mais quel génie. Moi, j'ai juste vu un gars ultra casse-couille. Et moi, pour moi, le héros de ce documentaire, c'est Milos Forman. Bon, je l'aimais en même temps beaucoup de base, qui a quand même réussi à faire un super film avec un gars qui dit « Non, je tourne pas !» Oh, blablabla. Vraiment, c'est ça. C'est mais putain, tu le supportes. Au bout d'un moment, tu dois te dire « Oh là là, putain !» Déjà que c'est chiant en documentaire, alors dans la vraie vie, mec. Ah non, mais... Et ce que raconte Jim Carrey, et Milos Forman suppliait en disant « S'il te plaît, je t'en supplie, fais cette scène, dis cette réplique, je t'en supplie. » T'as tout la maquilleuse qui chiale. C'est l'enfer sur Terre. Mais ça, après... c'est la première scène. Scène ouais. Le tournage, il n'a pas commencé. Et après, je t'en supplie. Allez, dis le texte, quoi. Après, il se met à étrangler des hiens, c'est vraiment terrible. Non, mais donc, Luciole, toi, t'as kiffé. Quel est ton ressenti vis-à-vis de ça ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a plus mis mal à l'aise plutôt qu'énervé. C'est-à-dire que j'ai réussi à le regarder jusqu'au bout sans être saoulé par les cris, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a un qui se barre. Voilà. Non, il est allé chercher une bière. C'est de l'audio, il pouvait le faire sans qu'on le voie. Bon, écoute, il va chercher sa bière. Peut-être il va pisser. Oui, il va complètement pisser, je crois. Alors, Lucien, je t'en supplie. Donc, oui, par rapport au documentaire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. Plus le fait, tu sais, tout le délire quand il y a les réals qui sont là, qui lui disent « Ok, donc là, Jim, là, il y a Andy qui doit arriver, qui fait « Non, mais... » Enfin, c'est moi, Andy. Ouais, c'est qui, Jim ? Ouais, c'est qui, Jim ? Oui, c'est même un peu ridicule quand il le fait. Quoi, et il arrête pas de dire « Pourquoi vous parlez de moi comme si j'étais pas là ?» Ils sont tous là. Enfin, voilà, il y a des gens qui vont travailler sur un film de... Enfin, moi, ça m'a plus mis mal à l'aise. Je me putain, mais quel du boss qui a fait ça sur Camping 2. Appelez-moi Chirac, tout le monde, s'il vous plaît. Comment, Franck ? Excusez-moi, je suis Patrick Chirac, je suis venu avec une glacière. Parce que d'un autre côté, il faisait une prise et la prise était impeccable, quoi, parce qu'il était à fond dans son rôle. Et du coup, il disait « Ok, c'est bon, c'est bâclé, on veut juste rentrer chez nous. » Et t'as l'autre qui fait « Non, je peux encore faire une prise et tout. » Et qui est là. Et tu te dis « Ça va jamais se terminer. » Et dès qu'il arrive, dès le moment où il se fait maquiller, il est insupportable. Il y a la scène où il met la musique à fond. Et il est là, il met la musique à fond sur l'espèce de petite radio. Tout le monde le regarde, personne n'ose rien lui dire. Bah surtout qu'en plus c'est Jim Carrey quoi. Et c'est après, enfin c'est Jim Carrey, c'est déjà le Jim Carrey des Ventura, de The Mask, c'est un mec qui prend 10 millions par film, il s'en bat les couilles. Et du coup il fallait déjà au top, personne n'oserait lui dire et il met tout le monde mal à l'aise, donc on dirait un prank, on dirait une vidéo de comment il s'appelle, Jimmy Gaillard. Mais d'ailleurs c'est Jimmy Gaillard qui fait Jim Carrey qui fait Andy Kaufman. Les gens sont pas au courant. Ah mais bon, on dirait un espèce de vieux prank de YouTube en mode on va voir qui craque en premier. à voir, c'est un peu ça m'a. Mais après il y a un truc qui est super intéressant que dit Jim Carrey et qui est vrai, c'est que tous ces films font écho à sa vie. Et ils te mettent un extrait de The Mask où vraiment Jim Carrey, moi ça m'avait. Enfin, The Mask, je l'ai maté depuis que j'avais vraiment un masque. Non, mais tu vois, c'est un peu ça parce que moi, The Mask, je l'ai maté depuis que j'ai 6 ans. C'est un film culte entre, tu vois, Retour vers le futur et Jurassic Park. J'adore ce film, mais j'avais jamais regardé ça comme un truc un peu psychanalytique, tu vois. J'étais juste genre, c'est marrant, il est un cartoon, quoi. Et il fait, ils mettent l'extrait où il y a vraiment le perso de Jim Carrey, Stanley Hipkins, du coup, qui dit à Cameron Diaz, mais tu vas continuer à m'aimer si j'ai pas le masque. Et tu fais genre, putain, je m'étais pas rendu compte, et c'est toute la carrière de Jim Carrey tourne autour de ça. C'est de dire, il y a un autre truc que je trouve super beau. Il dit, en fait, j'ai un Mr. Hyde que les gens voient pas parce que c'est un Mr. Hyde heureux. C'est-à-dire que quand je vois, je deviens Mr. Hyde, je suis le mec qui fait plein de blagues, je suis le mec qui gueule, qui fait des tornades, qui fait des imitations, qui se casse la gueule pour rigoler. Donc il dit, les gens sont contents, c'est un Hyde super cool, mais c'est pas moi, je perds le contrôle. Et quand les gens partent de la pièce, je me déteste et je suis en mode, putain, j'ai encore perdu le contrôle, quoi. Et donc, c'est super intéressant. Et je pense qu'il se flinguera dans 2 ans. Voilà. Si ça arrive vraiment, tu te sentiras très mal. Il a l'air masse dépressif, quoi. Ouais. Mais il a eu des histoires compliquées. Sa meuf s'est suicidée. Ouais. Sa meuf s'est suicidée et la famille dit que c'est de la faute de Jim Carrey. Enfin, c'est vraiment un truc horrible. Mais le documentaire est assez intéressant à ce niveau-là. Ouais, et même par rapport à lui, même si vous n'avez pas vu Man on the Moon, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez quand même le regarder, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, j'estime que même par rapport à lui, tous les passages actuelle de lui qui parle, c'est hyper intéressant. Oui, oui, il a une vision de la vie qui est super. Et il explique ses débuts où il commençait à marcher et où les gens le trouvaient drôle et ils ne comprenaient pas pourquoi. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça hyper touchant, où il expliquait qu'il rentrait chez lui, il venait de faire un carton, tout le monde était mort de rire, tout ça, et il était dans son lit, il se disait, mais pourquoi moi, qu'est-ce qu'ils me veulent, etc. Et je sais pas, je trouve ça très touchant. Mmh. Le moment où il explique sa compréhension de, ah, j'ai un truc. Et après, il l'a exploité, mais par rapport à lui, ce serait intéressant. Avant de passer à la suite, je voulais vous parler d'un truc parce que je vais vous raconter ma vie, j'aimerais me faire une opération des yeux. Je suis full myope et j'aimerais bien me faire... Toi aussi je me suis fait opérer, je pourrais tout vous raconter. Je suis complètement myope, mais j'ai une phobie de tout ce qui touche à l'œil, en fait. J'arrive pas à mettre des lentilles, par exemple. D'accord, ok. Pas, même quand, pour des tournages, on me maquille, on peut pas passer le pinceau sous l'œil et tout, c'est... J'ai une phobie totale. Et du coup, j'ai peur de ouf de l'opération. Ouais, t'as peur. Non, mais effectivement, moi, j'étais pas chaud sur l'opération, mais ma meuf l'a fait. Et ça s'est vraiment bien passé. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, go. Ça se passe bien, mais c'est irrationnel. Quoi. Et quand je me suis mis à un peu fouiller les sites de. C'est-à-dire que parce que là, t'as pas de lunettes. Donc, est-ce que tu. Non, j'ai des lentilles là. Moi ça va. Moi, mes yeux, ils. Enfin, je voyais que des formes. Même dès qu'on voit une forme jaune. J'ai tellement une phobie par rapport à ça que quand tu vas parler de ton opération, il est possible que je me sente un peu mal. au moment où tu te sentiras mal, on appellera Adrien Meunier. Ah, voilà, un autre malaise vagal aussi. On pense qu'on mette des images pour illustrer. Ah, putain. Non. Ne t'inquiète pas. Mais par contre, moi, j'aimerais vous parler de quelque chose parce que je me suis un peu renseigné sur les ophtalmos de Paris. Et je suis tombé sur un monsieur extraordinaire. Alors, tout ce que je vais vous raconter est vrai. Je vais même vous faire lire vous-même des avis Google. Ah. C'est un monsieur qui s'appelle le docteur Guigui. Et c'est son vrai nom. Alors, c'est extraordinaire. Tu l'avais pas partagé quelque part. Je l'avais partagé sur mon Facebook privé. Ah oui, c'est pour ça que je le connais. Bon, je vous montre son visage. C'est pas très radiophonique, mais bon, voilà, ça joue un petit peu. Dites-vous bien qu'il est très très beau. Ouais, c'est une sorte de. Un personnage de Pixar. C'est ça. Entre François Hollande et le mec dans Vol 747 pour Sydney. Ouais. On a un peu un personnage de Pixar, ouais. Ou Franck, hein. Ouais. Oui, non, c'est ça. Et ce monsieur a la très belle note avis Google de 1,7 sur 5. Je vais vous lire quelques extraits, je vais vous les faire lire aussi. Premier avis, je suis très furieuse, je suis partie pour faire une opération pour petite région, je suis sortie avec un œil tout rouge et après 3 mois, mon œil toujours rouge et une boule rouge. J'arrive même plus à ouvrir mon œil, je vous conseille pas d'aller au centre, vous allez le regretter. C'est marrant que les gens, tu vois, ils fassent pas intervenir les autorités. Ouais, non, mais lâcher un avis sur Google. Il y a 80 avis, je vous ai pris un peu les meilleurs. L'ophtalmo vous donne des petits surnoms ainsi que son personnel comme s'il vous connaissait alors que vous ne les avez jamais vus. Il se moque de vous ouvertement en rigolant entre eux, vous pose des questions qui n'ont rien à voir avec la médecine pour satisfaire leur curiosité. Ils n'ont que très peu de matériel. Ils ont trouvé des problèmes aux yeux qui peuvent être très graves, alors qu'avec un second avis professionnel, il s'est avéré que je n'avais rien du tout. Faut tout changer, là. Il n'y a rien qui va, quoi. Non, mais il n'y a rien qui excusez-moi, va. Genre... Excusez-moi, vous êtes aveugle. Ben, monsieur, oui. Je vois actuellement. Vous êtes aveugle. Non, on va changer l'œil. Ils m'ont augmenté la puissance de mes verres considérablement, alors qu'après vérification auprès d'un professionnel, je n'ai absolument pas besoin. Bref, diagnostic fait en 3 minutes. Mais c'est génial. En 3 minutes. 3 minutes. Wow. Il sort avec des loupes. Il voit rien. J'en ai quelques autres. Antoine, tu veux peut-être lire celui-ci? Ouh, il est long. Il est un peu long, mais. Mais moi, j'aime bien, justement. Vas-y. Alors, je vais le découvrir en même temps. Je t'en supplie. Alors, une étoile par Jérôme C. Je n'ai pas donné son nom de famille. Les docteurs parlent à leurs secrétaires comme à des idiotes devant les clients. L'examen de ma vue a été réalisé par une assistante, puis. J'ai eu le grand privilège de rencontrer le docteur en personne. Wow. Docteur Guigui, le célèbre docteur Guigui. Quelques instants pour ne rien faire de plus, à part entendre des remarques hautaines et son manque de politesse. Enfin, j'imagine vraiment être hautain avec la. Enfin, faudrait voir son visage. La facturation d'un forfait d'adaptation de lentilles de contact est une grande première. Ah oui, effectivement. Surtout lorsqu'il s'agit d'un simple renouvellement des mêmes lentilles. Putain, mais il est fou. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et permet surtout de ne pas se faire rembourser correctement par la mutuelle qui ne le prend pas en charge. Eh ben non. Au top. Parce qu'il est peut-être pas médecin. C'est vrai que c'est un truc qu'on peut se dire. Luciole, tu veux lire celui-ci? Je suis en train de visualiser un cabinet et c'est vraiment c'est le meilleur du monde. J'ai trop envie d'y aller juste pour voir, en fait. Ah, mais moi aussi. Et après, tu perds la vue. C'est ça qui est compliqué. Mais t'as trop y aller en caméra cachée, quoi. J'imagine vraiment un truc en mode Élise Lucet, tu vois. En mode vraiment. J'imagine un truc dans une ruelle avec un gars qui arrive en Segway et qui fait. mon gars, ça va ou pas? Alors, cet endroit est une blague. C'est dans ma capitale, hein, blague. On y voit un tourbillon incessant de jeunes gourbes et blouses. Ah non, gourdes et blouses qui rentrent et sortent avec un faux air affairé qui ne servent à rien, puisqu'il n'y a qu'une personne à l'accueil. Le docteur, entre guillemets, ne m'a pas examiné et n'a pas su m'expliquer pourquoi on m'a demandé de revenir pour un deuxième examen après prescription de gouttes qui m'ont empêché de travailler pendant toute une après-midi. Trois petits points, vision totalement floue. C'est horrible. Non, mais c'est incroyable. Non, mais je suis devenue aveugle, je ne sais pas comment. En vrai, il y en a tellement des négatifs que je me demande si c'est pas devenu un... Oui, c'est ça. Un délire entre potes. Tu sais, ils ont vu 5 des négatifs, ils ont dit c'est trop marrant. Du coup, nous aussi, on va mettre de la merde aussi dessus. C'est génial. Enfin, j'espère que. Il y a juste une petite phrase que j'aime bien. L'assistant est sorti de son cours de sport avec sa tenue et ses chaussettes qui traînaient sur le canapé. C'est forcément vrai, attends. Et je termine avec un très joli. Attendez, pardon. Il y a un 5 étoiles, mais bon, c'est un 5 étoiles. Le mec a dû tromper en cliquant. Antoine, tu peux le lire? Il est un peu long, mais il est assez sympa. Qui date du 25-06-2016. Oui, il faut savoir que ses avis datent entre 2011 et 2016. Il y a eu zéro évolution en 5 ans. Le cabinet existe toujours? Il existe toujours. J'ai vu, il y a encore des avis qui datent d'il y a une semaine. Bon, celui-là, il est pété de fautes. Hein. Donc, je vais essayer de lire les fautes. Essaye de le faire sans les fautes. Ouais. Moi, je suis allé pour changer mes verres. Celui-ci me dit que j'ai la cataracte. La cataracte et de la tension dans les yeux. Il y a aucune ponctuation, sachez-le. Donc je vais l'ajouter aussi. Faut que tu fasses de le lire en un seul souffle. En fait. Il faut faire tout de suite un laser que j'ai fait un mois après. Je suis allé aux urgences au 15-20 qui me disent le contraire. Pas de tension et pas de cataracte. mais il faut refaire l'œil gauche au laser. Ah. Je retourne où j'avais fait le premier œil. Il me fait l'œil gauche car le 15-20, pas possible d'avoir de rendez-vous. Mais le mec retourne chez lui. Il y a retourné. C'est incroyable. Moi, cette je vais chez le docteur Guigui. Mais mec, tu vas voir, cette histoire est incroyable. C'est aussi le vrai bordel dans cet hôpital. J'ai demandé mon ordonnance au docteur Guigui car la première fois, il ne me l'a pas donnée. Il me l'a donnée la deuxième fois. J'ai changé mes verres qui m'a coûté 800 euros. Là, franchement, j'ai envie de dire, tu cherches un peu. Quoi. Tu retournes voir le docteur Guigui. C'est le client parfait pour le docteur Guigui. Le docteur Guigui, il a dû faire oui. On va changer les verres. Là, il y a un porte-monnaie qui arrive. Attendez, je vais vous opérer l'œil gauche au laser. Vous allez au 15-20. Vous allez voir, il ne donne pas de rendez-vous. Donc, moi, je prends les rendez-vous tout de suite. Vous venez, il attaque directement au laser. Vous venez, je vous opère tout de suite. Hein. Même vous avez quelque chose ou non. Voilà, les verres ne sont pas à la vue. Les verres ne sont pas à la vue. Tout ça pour ça. J'ai mal à la tête. Oh. Les yeux qui me brûlent. Oh, mais c'est horrible. Je dois aller coucher tout le temps. Oh. J'ai l'impression que je vais tomber. Ouais, ça me fait de la peine. Et depuis, j'ai fait le laser. Mes oreilles n'arrêtent pas de siffler. Ses oreilles n'arrêtent pas de siffler depuis le laser. Et il signe quand même, après toutes ces mésaventures, ras-le-bol. Mais il a mis 5 étoiles. Ah non, moi, mais c'est terrible. Si je vous raconte tout ça, j'ai vraiment envie de péter les genoux du docteur Guigui quand même. Mais si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'il y a une chute à cette histoire qui est merveilleuse. J'ai trouvé un seul commentaire 5 étoiles, premier degré. Ah. Je vais vous le lire. Mais c'est docteur Guigui qui a écrit ça. Peut-être que vous aurez un mauvais esprit qui vous dit « Je pense que c'est docteur Guigui. » Et vous aurez raison. Mais je vous prie d'aller au-delà de vos préjugés pour vous laisser embarquer par ce petit commentaire. On va être tout à fait objectif. Il faut être objectif. Le docteur Guigui est un excellent ophtalmologiste. C'est en capital, hein, le excellent. Il me suit maintenant depuis plus de 10 ans et m'a sauvé la vie. Petite, j'avais une hypertension intraoculaire qui me faisait très mal. La plupart des ophtalmologistes nous avaient dit qu'il n'y avait rien à faire. Le docteur Guigui m'a opéré. Depuis, je vis très bien sans aucune douleur. Il faut que vous sachiez qu'à chaque fois qu'elle parle du docteur Guigui, Guigui est en majuscule. Voilà, voilà. En ce qui concerne ses compétences médicales, c'est un chirurgien très demandé et toujours à la recherche de nouvelles solutions pour ses patients. Pour le côté humain, je pense qu'avec une petite anecdote, vous pourrez en juger par vous-même. Un week-end, je me suis fait hospitaliser d'urgence et le docteur Guigui est venu avec ses enfants pour vérifier mon opération, qui ne concernait même pas mes yeux. Le mec est revenu de la boule. Il est revenu de avec la boule. Avec ses gosses. Bon, alors ça va le genou. Il est rentré par effraction chez moi et ouais, m'a dormi. Il était dans mon lit. Il m'attendait. Ouais. Il en a d'ailleurs profité pour remettre les pendules à l'heure d'une infirmière qui avait mal mis ma perfusion. Sciemment. J'aimerais trop que ce soit vrai parce que c'est quand même un connard, c'est... même dans cette histoire. Quoi. Oui, c'est vrai que même dans son système de valeurs, c'est lui qui l'a écrit, il est un peu déréglé, tu vois. C'est le Batman c'est... de la. De, il de... pense que ça nous séduit, tu sais. Oh là là, quelle autorité de chirurgien. Il a insulté une infirmière. Il a frappé une femme au visage. C'est vous dire à quel point c'est un beau docteur. Et je passe d'autres anecdotes. Donc, il a en effet beaucoup de respect pour ses patients, même s'il parle par énigme, mais c'est sa façon d'être. Quoi? Attends. Il parle c'est par énigme. Je pense c'est que, sa façon d'être. Ouais, ça doit être son. Il doit trouver ça stylé, je pense. Ah ouais, je pense qu'il dit je suis un peu mystérieux. Ouais. C'est une forme d'énigme. Vous avez la cataracte. À vous de voir. C'est vrai, c'est pas vrai. Voilà. Moi, je peux vous opérer. Je viens faire refaire mes lentilles, le laser, directement dans votre œil. C'est une énigme. Pour finir, autrefois, il travaillait dans un cabinet seul où il avait en effet plus de temps à consacrer à ses patients. Elle a beaucoup d'infos quand même, oui, cette femme. Vraiment, voilà. Elle a vraiment beaucoup d'infos. Mais il a changé pour se retrouver dans un cabinet avec tous les appareils nécessaires pour les différents diagnostics et ainsi ne pas faire perdre de temps à ses patients à cavaler à droite et à gauche pour les examens et aussi traiter le plus de cas possible pour donner la chance à un maximum de personnes d'être soignées. Je passe beaucoup d'autres détails, mais le docteur Guigui est un excellent chirurgien. Donc voilà, j'aimerais applaudir le docteur Guigui. Docteur Guigui. Qui n'a pas du tout écrit hein, ce commentaire. Non, je sais qu'il y a des médisants, non. Je sais qu'il y a des rageux. Et vraiment, ne croyez pas ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Le si vous voulez voir à quoi il ressemble, tapez son nom. Ouais. Docteur Guigui. Ouais. Mais voilà, je trouve que ça donne une saveur en plus. J'aime pas attaquer sur le physique, mais c'est une saveur. C'est une petite cerise. Voilà. Une petite cerise sur un gâteau c'est déjà bien croustillant. Clairement, le mec, il te vole un rein pendant qu'il le revend. Alors là, si Docteur Guigui, il t'endort. Oh non, quand tu te réveilles, il doit te manquer surtout des trucs. Pas, ouais, le Docteur Guigui, j'oserais jamais faire ça. Des doigts, j'oserais jamais faire ça, le Docteur Guigui. Là, tu te réveilles, t'as une partie de toi qui est dans du formol à côté. Quoi. Et c'est peut-être tes yeux d'ailleurs. Le bon Docteur Guigui. Donc voilà, je voulais l'embrasser. Ça faisait quelques mois que j'avais ce truc et je voulais vraiment le partager. Avec vous. Tu veux pas aller le voir? On adore. Mais je sais pas. Moi, par contre, s'il y a des auditeurs de Floodcast qui ont eu la chance de voir. Qui sont un peu casse-cou. Qui sont un peu. Si vous ne voyez rien, il n'y a rien à perdre à aller voir le documentaire. Allez voir le documentaire. Il faut envoyer Élise Lucet. Mais on peut... non, mais vraiment, c'est Élise Lucet qui doit y aller pour vraiment faire tomber ce mec parce que c'est extraordinaire. C'est si on a le temps, je peux vous raconter mon opération laser. Ah bah vas-y, je t'en prie. Qui est. Et ben en fait, en gros, quand tu cherches du laser, le truc c'est que le mot il est trusté à fond sur Google parce qu'en gros quand les mecs se battent parce que tu vas taper opération laser dans Google et du coup les mecs se tabassent à coups de mots clés pour être les premiers. Mais d'ailleurs juste pour parler, enfin le docteur Guigui, il a énormément de gens parce qu'en fait il a oui et sur le truc mondocteur.com ou les trucs comme ça, il est tout le temps dispo en fait. Donc c'est pour ça que les gens viennent chez lui parce que si tu dis merde putain j'ai mal à l'œil, vas-y je vais chez l'ophtalmo cet après-midi, il sera là. Guigui, il sera présent. Guigui, il est tout le temps full dispo. Il met le pied, il vient à l'hôpital, il va voir. Ça, c'est parce que il gifle l'infirmière. Ça, c'est parce qu'il aime ses clients. Bah oui, il se rend disponible. C'est un excellent. Pendant une prise de sang, l'infirmière vous fait mal. Je vous vois bien là, avec votre ironie là et tout. Non, mais c'est toi qui as écrit le commentaire. En fait. Et le docteur Guigui peut t'opérer à la maison. Hein. Lui, il vient, il a ses outils, sa mallette, le laser. Ses enfants. Ses moutards sont là. Il joue, il a des jouets pour eux, il s'amuse. Tu es là pour régaler. Et donc, excuse-moi, vas-y. Moi, j'étais hypermétrope à très haut niveau, vraiment médaille d'argent quoi. J'étais plus 6 à chaque œil, donc vraiment j'avais des méga culs de bouteille comme on dit, et en gros j'avais un très très fort strabisme. D'accord. Et donc je suis allé voir le docteur Timsit, qui est aucun lien de filiation avec Patrick, avec le héros de Quasimodo del Paris. Voilà. Mais un très bon acteur de Un Air dans la Ville, cela dit. Oui, non, mais c'est un très bon acteur. Et bon, comme tout ophtalmo qui pratique de la chirurgie laser, il a forcément un cabinet sur l'avenue Hoche. Hein. Je pense que c'est là où c'est le mieux pour opérer, je pense. Et en fait, j'arrive chez lui. Donc, la salle d'attente, ça fait 19 fois mon appartement. C'est des moulures, du parquet, etc. Il n'y a que des yeux. Et je me dis, bon, OK. Tu te fais attendre bien longtemps. Et en fait, le docteur Timsit. Appelons-le Patrick Timsit. Hein, le Patrick, clairement. Imaginez Patrick Timsit, ça lui ressemble un peu. Ça rajoute une saveur aussi. Vraiment, en beaucoup, beaucoup il avait plus. Juste une fausse moustache pour faire croire que ce n'était pas lui, mais tout le monde l'avait grillé. Hein. Qu'est-ce qu'il a, le petit barbeux? Il va faire des carreaux de cellulette. Non, je suis Pascal Timsit. Ça n'a rien à voir. Et en fait, il vient me chercher. Et donc pendant tout le rendez-vous, il ne parle que de lui. C'est-à-dire, il me pose aucune question. Il dit, vous savez, là je viens d'acheter un laser, c'est le seul en Europe. Hein. Il n'y en a qu'un seul autre aux États-Unis, 1 million, je l'ai acheté cash. Le docteur Guigui n'aurait jamais ça. Hein. Parce qu'il ne peut pas acheter un truc à 1 million. Dans tout il m'en a parlé, il m'a dit, le docteur Guigui, il m'envie le laser que j'ai là. Non mais en fait, le mec vraiment m'a pas regardé, m'a pas ausculté, il m'a parlé que de lui. Et à un moment, il a fait, Vous savez, ma fille a été hypermétrope. Ça, c'est ma fille. Là, il tourne l'écran de son ordi et on voit une nana avec des énormes lunettes. Et après, il fait ça, c'est ma fille. Je l'ai opérée. Regardez maintenant. Regardez un peu à quoi elle ressemble. Et là, on voit une nana à un mariage de un peu loin, tu vois, sans lunettes. Et je fais ah ouais, d'accord. Et là, il fait voilà, ça, c'est ce dont je suis capable. Donc maintenant, c'est à vous de voir si, si ça vous intéresse. Et là, je fais genre waouh, mais où est-ce que je suis tombé et tout. Et en fait, j'avais rencontré d'autres ophtalmos. Et personne ne voulait m'opérer. Parce qu'en fait, ils disaient, là, votre hypermétropie, ce n'est pas possible. En gros, le laser, il n'est pas assez puissant. Quoi. Oui, d'accord. Et la puissance laser, il n'y a que le docteur Tim Sid qui l'avait. Et à la fin de ce rendez-vous, il dit, moi seul peux vous opérer. Il me tend un papier. Il est parti en Jack Bauer. Il me tend un papier. Sur le papier, fait un PowerPoint avec sa feuille A4. C'est écrit 150 euros en toutes lettres, non remboursé par la sécurité sociale. Je lui devais 150 balles. Et il me regarde et me dit là, pour, là pour la démo, le PowerPoint de sa fille. Et en vrai, j'étais tellement démuni. J'étais ça ou Dr Guigui, tu vois. Que je me suis vraiment fait opérer par le docteur Tim Sit, qui m'a vraiment enculé. C'est-à-dire que... Oh, la victime. En gros, après, il m'a fait un bilan, parce que j'ai payé les 150 boules. Je suis retourné le voir, il m'a fait un bilan et il m'a dit, bon, je vous le fais, je vous le dis tout de suite. Pour vous, c'est 10 000 euros chaque œil. Chaque œil. Mais c'est 10 000 euros l'opération. Mais c'est très, très cher. C'est très, très cher. Et après, il me dit, mais comme vous m'êtes sympathique. Attends, mais il m'a fait le coup de la bagnole d'occasion, quoi. Il me fait, mais comme vous êtes sympathique, je vous le fais à 3 500 l'œil. Oh putain, grosse ristourne, quoi. 7 000 euros. Et il m'a dit, par contre, à ce prix-là, je suis obligé de le faire en cash. Oh là là, là là. Le mec, Fâche. Il est avenu foche et tout. Il m'a opéré à la clinique américaine. Je préfère le docteur Guigui à lui. T'es aveugle, mais tu passes. Lui, il est plus humain, quoi. Guigui, au moins, ouais. Il donne des petits surnoms quand tu vas chez lui. Il est plus à la bonne franquette. Ouais, hein, en vrai, ce mec-là, franchement, c'est un truc un peu beau, mystique, etc. Parce qu'il a changé ma vie, parce que du coup, j'ai plus de lunettes. Bah ouais. Enfin, sauf parce qu'en fait, je vois plus rien. Donc, maintenant, je suis myope. Donc maintenant, je mets des lunettes parce qu'il m'a trop opéré, ce con. Mais c'est vrai, ça ou c'est... Ouais, ça, maintenant, je suis un petit peu myope, mais je suis myope à 1, quoi. Oui, ça alors va. Ouais. J'étais vraiment à plus 6, je voyais que dalle. Ouais. Et en gros, on le bitch un peu dans ma famille parce qu'eux, ils supportent pas d'avoir lâché 7000 en fraîche. Et mon père, il dit, bon, en tout cas, on peut le critiquer, ce con, mais il t'a changé ta vie. Donc, à un moment, un peu de respect. Et je suis retourné le voir parce qu'après, c'est consultation gratuite. Mais il vit à Ibiza maintenant, d'ailleurs. Il va à la boule, il me dit. Ce week-end, je pars à la boule avec ma fille. Je vais montrer la photo de ta fille. Elle me montre sa fille. Et je suis retourné le voir après. Et il regarde mes yeux. Il fait fantastique. C'est incroyable. J'ai fait un travail incroyable. Qu'est-ce que c'est propre. Et il me dit, vous avez plus besoin de lunettes. Je lui dis, je reviens voir parce que j'ai un peu des migraines et c'est un peu fou. Fait, non. Vous n'avez pas besoin de lunettes. Là, vous avez 10 sur 10. Je n'ai pas du tout 10 sur 10. Ouais. Je vais voir un autre homme qui m'a dit que j'ai pas du tout 10 sur 10. Mais en tout cas, il est très fier de lui. Mais franchement, je vous conseille de le faire parce qu'en vrai, c'est une après-midi top relou. Pas avec le docteur Tim Sit. Franchement, en vrai, c'est lui qui a le laser. Tu veux le laser ou tu veux pas le laser? J'aime le laser. Pas hypermétrope. Ouais. Mais c'est laser aussi. Hein, c'est laser aussi. C'est... En fait, il te bouge la cornée, c'est ça? Je sais jamais. Je suis nul en œil. En fait, il creuse ta cornée. Oui, c'est ça. Pour la myopie. Et pour l'hypermétropie, il faut gonfler la cornée, ce qui est beaucoup plus technique. Ouais. Et là, il faut le laser des États-Unis. Ah ouais, c'est là. 1 million d'euros. Il m'avait donné le prix du laser. Au cas où moi, je veuille l'acheter si je veux le faire chez moi. Ah, vous pouvez le faire tout seul, hein, monsieur, mais au fond, 1 million d'euros. Hein, 1 million de laser. Voilà. Et des États-Unis. Donc, en plus, 1 million. C'est vraiment le mytho qui a cherché un truc très vite. Ça a coûté 1 million. 1 million. Ça coûtait 1000. 1 million. C'est comme quand t'es petit. Ça vaut au moins 1 million de voitures. 1 million. Et tu l'as acheté où? Aux États-Unis. Je vous ai montré les photos de ma fille. Une très belle histoire. Bon, écoutez, le thème de l'émission ne concernait pas les yeux, mais bien que on pourra peut-être y venir. Mais moi, je voulais parler dans cette émission. On a déjà fait un sujet à ce niveau-là. C'était il y a très longtemps. C'était dans les tout premiers épisodes de Floodcast. On parlait des looses de l'adolescence et comme c'est un puits sans fond, les looses de l'adolescence, oui. Je me suis dit pourquoi pas repartager avec d'autres invités nos expériences un peu nulles. Alors c'est un peu tout, hein. Ça peut aller de la loose amoureuse, de la loose avec des profs, de la loose familiale, de la loose. Moi, j'avais raconté il y a bien longtemps que je m'étais chié dessus. Enfin voilà, les anecdotes sont sans fin. Je vous demande pas d'aller aussi loin dans votre intimité personnelle, hein, mais en tout cas, c'est pour vous dire que on est à ce niveau-là. Qui veut commencer? Moi, j'aime qui... bien alors, avec je t'en supplie. Micro anecdote. Ah bah, je t'en supplie. C'est très très allez, court. Allez, pour amorcer. Amorcer. Donc, imaginez le personnage. Je pense que j'ai des bagues à ce moment-là. Et des lunettes, du coup, parce que tu ne connaissais pas encore le Dr. Tim Sit. C'était bien avant ta rencontre avec le Dr. Tim Sit. Qui a changé ma vie. Travail formidable. Est-ce que vous avez vu photo de sa fille? Donc j'avais vraiment, comme mon père aimait les appeler, des culs de bouteille, mais vraiment des trucs monstrueux sur les yeux. J'avais des bagues, etc. Et moi, je faisais 1m80 pour 55 kilos. J'étais vraiment très, très queuse. Donc, c'était en colonie. Donc, en colonie, c'est de l'amitié superficielle qui va très, très vite. Mais c'est aussi des ennemis superficiels qui vont se créer très, très vite. Et donc, à l'école, j'étais pas trop le souffre-douleur, mais dans cette colo-là, je l'étais devenu, je sais pas, tu sais, c'est les astres. Quoi, ça a dû te faire très bizarre de faire wow, non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi. Et je regarde autour, je fais merde, je suis le mec le plus lame, fais chier. Tu es dans le bus, tu cherches le mec qui va prendre et tu fais oula, je pense que ça va être moi. Tu te dis, bon, faut vite que je vanne un gars, ah putain, c'est mort, ça. C'est moi. Et c'était un peu moi, et donc ça a été une colo un peu longue. Ça, c'est le désavantage d'être. J'ai une sœur, mais beaucoup plus âgée, donc vraiment, j'ai fait tous mes séjours de vacances seul, tout en colo. Et c'était voilà. Enfin, en gros, il y a une après-midi, il y avait une PlayStation et il y avait Crash Bandicoot Racing. Crash Team Racing, ça s'appelait. Ah oui, bien sûr. Je suis un petit peu geek. Ouais, vous avez l'air nerd, les gars. Parce je sais pas, c'est le truc sur la PlayStation là. Je suis féru de pop culture, moi, donc il y a pas de souci. Ah, oui. Et il me semble que Mario Kart 64 était déjà sorti. Et je trouvais ce jeu, je le trouvais un peu nul, quoi. Ça m'énervait de voir. Il y avait pas Mario déjà, ouais, donc voilà. Pardon. Mais... Et ça m'énervait de voir des gens, tu vois, trouver ça bien, alors qu'il y avait Mario Kart 64 qui était sorti. C'est un vrai comportement de rageux, hein, donc vraiment, des gens sont heureux, voilà. Ça ne te concerne pas et tu fais, mais vous êtes des cons, putain. Et en gros, tout le monde jouait et à un moment, il y a un silence. Et moi, je dis à haute voix, je sais pas pourquoi je dis ça, c'était vraiment pas le moment de l'ouvrir. Palestine vaincra! Non, mais Antoine! Mais Antoine! Mais c'était pas le moment! Et là, je brûle un drapeau. Je sais pas ce qui m'a pris. Non, et je dis, ah, mais c'est trop moche comme jeu. Enfin, tu sais qu'il essaye de se rendre cool. Bonne vanne, mec. Franchement, bien trouvé. Énorme de se rendre cool, c'est tellement vrai. C'est vraiment c'est genre vrai. Le mec qui tente d'être ouais, grave. Cool. Mais de toute façon, les autres ils s'en battent les couilles, ils connaissent pas Mario 64. Et surtout, mais là je viens de tendre la plus belle de toutes les perches parce que c'est pas Johan, le petit rouquin qui a 2 ans de plus que moi et qui fait 10 kilos de plus et qui me martyrise depuis le début qui va me répondre. Ouais. C'est genre Stéphanie, la plus belle de toutes les meufs de la colo. Il y a un silence et elle répond, elle fait. C'est toi qui es moche. Oh et ça part en dab. Ouais. J'ai dabé. Hein. Allez, on dabe tous. Et là, tout le monde a dabé. Même les animateurs. Même l'animateur, il a dabé. Même l'animateur, il a le BAFA, il est censé protéger. Ouais, c'est vrai que t'es moche. Wow, ce qu'elle t'a mis. Et là, le jeu s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Là, t'as fait. Wow, et là, il y a eu un silence. Et vraiment, j'ai senti le sang passer. C'est une des rares fois où vraiment j'étais transcendantal, tu vois. Je me sentais, j'étais waouh, c'est du coup, ça, c'est plutôt une bonne expérience, on peut le dire. Du coup, j'essaye de recréer ça. C'est trop triste. Voilà. Ça a fait rire ou pas? Non, il y a eu juste un silence. Les gens ont fait. Non, tout le monde a éclaté de rire. Mais pour toi, c'était un silence. C'est-à-dire que ouais. Même pire, ouais. En plus, Stéphanie, elle aurait pu ne pas être drôle. Je l'appelle Stéphanie, c'était un nom d'emprunt, je m'en souviens. Bien sûr. Elle aurait pu ne pas être drôle. Tout le monde aurait rigolé parce que de toute façon, c'est la plus belle. Mais elle était pas drôle, hein, je tiens à te le dire. Non, oui, c'est pas ouf non plus. Ouais, mais c'est pas mal. J'ai vu une meilleure vanne. Non, mais il y a un bel action-réaction, quoi. Tu vois, c'est genre, c'est moche. C'est toi qui es moche. Elle a été un peu un sniper à ce moment-là. Ouais. Enfin, on est assez jeune et tout. C'était précis, sharpshooter. C'était un peu la Laurent Baffy de. Voilà, Adrien Méniel, on peut le dire. Et d'ailleurs, il y avait Radisson qui allait. Stéphanie! Il était là! Il était dans le coin, il a dabé aussi. Tout le monde s'est retourné, il fait mais qu'est-ce que tu fous là, Thierry? J'ai pissé dans mon frog, j'ai descendu d'organes, j'ai saigné du nez, c'est le pire. Non, ça c'est du rajout, mais c'était, je me souviendrai vraiment de ce moment. J'en ai une autre après, de petites anecdotes aussi comme ça. Oh putain! Garde-la pour plus tard. Celle-là, je ressens mes chaussettes encore en vous en parlant. Quoi. Putain, moi c'était terrible parce qu'en plus, ma mère. Moi, j'ai jamais fait de colo. On m'avait parlé de cette histoire. Le petit moche, le Antoine le moche. Le célèbre Antoine le moche, comme on l'appelait. Crash Bandicoot Racing, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais c'était écrit sur la jaquette, d'ailleurs. Un jeu moins moche que Antoine. Ça a été la colle de Sony. C'est un argument de vente. Hein. C'est un argument de vente. Hein. Ils ont décidé de s'orienter là-dessus. Des graphismes plus beaux qu'Antoine. Stéphanie a mis une étoile. Ouais, c'est ça. Antoine a Stéphanie a détesté. Stéphanie a détesté. Moi, j'ai pas. Du coup, moi, ma mère m'a. Moi, j'ai pas fait de colo vraiment. Mais ma mère, elle se disait non, mais là, c'est. Ma mère m'a eu très jeune. Elle m'a eu à 19 ans. Et du coup, elle se disait, bon, elle avait une éducation basée beaucoup sur le, bon, bah, faut faire à peu près ce qu'ils disent à la télé, quoi. Tu vois, à peu près. Et du coup, elle s'était dit, ça putain. Te voit, écoute, hein. Oui, oui, bah, tu sais, on fait ce qu'on peut. Et du coup, elle se disait, merde, il faut qu'il fasse de la colo, il en a jamais fait. Mais la colo, c'était un peu cher, tu vois, en vrai. C'était un peu chéro, la colo. Ouais. Et moi... J'allais dans le jardin. Non, mais... Et en fait, du coup, elle m'a mis dans une colo qui était en fait dans la ville où elle était elle aussi. Donc en fait, ma mère me levait le matin. Elle pouvait vraiment s'occuper de moi toute la journée, elle travaillait pas. Ouais. Et elle me disait, non, bah, va à la colo qui est à 2 km d'ici, donc toute pétée. Okay. Et juste, je me faisais chier ma race dans un truc à côté de chez moi. C'est quel âge ? J'avais 8 ans, 9 ans, j'étais tout jeune encore, tu vois. Et j'étais genre, mais c'est nul à chier, laisse-moi. Tu sais, c'est l'été, on est l'été. Laisse-moi vivre à la maison. Et kiffer la vibe avec mon mec. Ouais, c'est ça, on fait des jeux, on est cool, quoi. Et du coup, elle m'a emmené à ça et j'ai haï tout. Mais en plus, moi, j'étais avec des... Moi, pour moi, ils devaient pas avoir... Moi, ils avaient pas le BAFA. Je veux pas croire que les mecs qui sont... les mecs et les meufs, je me souviens... Par contre, ils avaient le laser. Ouais. Mais je veux pas croire... J'ai un souvenir très précis. Ils nous ont foutu devant la télé et ils nous ont foutu le film Cube. Qui est extrêmement hardcore. Oui, c'est très violent. Et je me souviens avoir maté Cube à 17h avec 16 enfants. Et vraiment, je me souviens avoir c'est eu pas le. Une colo, je te l'annonce. Ouais. C'était ouais, clairement non, pas une colo. Colo et, ils nous ont fait mettre de la farine dans des petits trucs en plastique. On a cousu des Nike. On a cousu une centaine de Nike dans la journée. Non, mais c'était trop bizarre. Et vraiment, je me souviens être sorti de mon cerveau d'enfant du temps en disant, non, mais attendez, c'est chelou ce qui se passe là. Qu'est-ce qui est en train de. Trop bizarre, quoi. Et voilà, j'ai détesté ce truc-là et je suis resté 4 jours, donc vraiment tout pourri comme colo. Et t'en as fait, toi, tellement Lucien ? Tellement fait de colo. Ouais, t'en as fait ? Tellement, tellement. Je ne saurais même pas dire combien. Je suis sûr que t'étais cool kids en colo. À chaque fois, ça dépend des colos. Non, mais en fait, j'ai fait énormément. Ma mère m'envoyait à chaque vacances, mais toutes les vacances, en Angleterre. Bah, il y avait la télé aussi, ou pas ? On avait des trucs. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'ai une petite anecdote sur la télé en colo. Mais oui, on m'envoyait à chaque vacances en famille d'accueil en Angleterre. Ah ouais, elle enculé un peu quand même. Bah, en fait, elle voulait que je sois bilingue. En mode Harry Potter. Elle m'a dit, ouais, elle m'envoyait dans les familles d'accueil. Donc ça s'est toujours très bien passé à part de trois. Il jouait avec des baguettes, Moi, j'ai jamais trop accroché leur délire. À chaque fois, je rêvais que ce soit Poudlard, mais j'arrivais chez Mrs. Wall qui avait genre un chien et qui avait 13 rouquins à la maison. C'était toujours très glauque. C'est pas Poudlard. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans les maisons en Angleterre. Moi, je suis toujours en banlieue. C'est très, très glauque. Et ouais, vraiment, c'est triste. Ah bah, ils ont voté le Brexit, hein, attention. Ouais, hein. C'est quand même un délire. Hein. Vraiment, c'est des bons souvenirs parce que... Fin... C'était le passage politique du podcast. Voilà. C'est un mythe. Moi, je suis resté... Vraiment, je me suis tué parce que je veux pas d'emmerde. De quoi parlez-vous ? Ouais, grave, je ne vois rien. Et en matière de télé en colo, j'ai une petite anecdote très courte où, en général, quand tu faisais... C'est un thème très spécifique. Ouais, voilà. Non, mais parce qu'il y avait les thèmes en colo, c'est-à-dire que les veillées qu'on faisait le soir. Donc, toi qui n'as jamais fait de colo, c'est les activités... Non, mais je vois ce que c'est. C'était le truc que j'aurais rêvé de faire, moi. Être autour du feu avec une guitare sèche et reprendre Creep de Radiohead. Justement, pas forcément. En général, tu avais le choix entre deux veillées. Sale merde. Une où tu faisais quelque chose et une où tu regardais un film. Tout le temps. Et là, il y avait un soir où ils avaient dit, vous avez le choix entre deux veillées, comme d'habitude. Soit vous faites un loup-garou, le jeu de cartes, donc cool. Le pire jeu, moi je le rappelle quand moi, j'ai toujours envie de me battre. Ouais, c'est vraiment une salle. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un débat loup-garou. C'est vraiment un village, ouais, mec. On fera une parenthèse débat loup-garou. Je t'en supplie, Luciol, termine ton anecdote. On va en parler. Bon, on est deux contre deux, c'est cool. Donc. Et du coup, il y avait le choix entre la veille et loup-garou ou regarder un film, et c'était Qui veut la peau de Roger Rabbit. D'accord. Très bon film. Très mauvais film, c'est pour équilibrer encore. Et juste, on était une trentaine dans la salle pour se décider. Et quand il a dit ça, j'étais vraiment petite et j'avais compris qu'il veut la peau de Roger Rabbit. D'accord. Et j'avais genre 9 ans. Et du coup, je pars en fou rire. Mais un truc monumental. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule à rire. Parce qu'elle venait de dire la bite. Bah oui, ce qui était coup, génial. C'était hilarant. Et en fait, je regardais tout le monde et tout le monde était genre poker face. T'as en mode CM, genre, tiens. Golden Moustache, c'est ça ? Totalement. Ouais. Et du coup, ils étaient en mode, qu'est-ce que je vais choisir ? Et moi, j'étais morte de rire. Et je regardais tout le monde et je suis genre, les gars. Tu viens vraiment de résumer beaucoup de réunions d'écriture que je fais où je vais les gars là le gars c'est sa bite quoi c'est exactement mais on s'en fout de la chute c'est la bite j'en pouvais plus donc les monos ils en avaient rien à foutre de moi vraiment ils calculaient pas et après j'ai mes potes qui venaient me voir et qui disaient bon on choisit quoi et moi j'avais encore les larmes aux yeux je fais les gars la bite et j'étais génial. Morte et ils disaient mais de quoi tu parles mais bref le quiproquo a duré si longtemps. Et voilà. La bite. Et ça m'a marqué du coup. Quand on parle de ce film, c'est un vrai nom de porno en plus. Ça s'appelle Qui veut la bite de Roger Rappeau. Ils avaient fait un jeu de mots. Non, je te jure, c'est vrai, une petite contre. J'ai entendu parler. Ça a contre-pété à Donf. Ouais, carrément. Juste, donc parenthèse loup-garou, pourquoi tu aimes ça, Antoine? C'est le pire jeu, t'as envie de se battre avec tous tes amis? C'est trop avec bien ce le truc. Loup-garou, moi j'aime bien. Alors, aussi. Bon, alors écoutez. Mais c'est un jeu qui. On va faire un tour de table. Je trouve que c'est un jeu qui fonctionne à l'infini, ouais. C'est-à-dire qu'aucune des parties se ressemble. C'est un jeu où tu découvres un peu les gens. C'est-à-dire, effectivement, il y a des amitiés qui ne tiennent pas. Oui, mais tu découvres dire, le pire des gens. Mais ça veut dire qu'elles ne devaient pas tenir à la base, en fait. Ah, tu testes, en fait. Oui, d'accord. Pour voilà. Bon, moi, c'est très important. Et non, c'est très fun. C'est... Et puis, j'aime mentir. j'aime jouer voilà. Des personnages. Peut-être tu deviens nazi. Ou... non, moi, je trouve ça très fun. Putain, d'accord. Pourquoi tu détestes, toi, Antoine? Moi, j'aime. Enfin, en vrai, j'aime bien le jeu pour les mêmes raisons, mais en fait, je j'aime pas t'amuser en général. J'en ai marre du loup-garou parce que en fait, quand tu perds au début, déjà, c'est très très très très chiant, c'est ah, oui, assez oui. Long. Je suis pas d'accord parce que tu peux voir ce qui se passe et du coup, tu vois les stratégies des gens et c'est amusant, je trouve. Oh, après, voilà. Tu dis ça parce que tu ne perds jamais. Et moi, je le précise, si jamais un jour je joue au loup-garou avec l'un d'entre vous ou l'un des auditeurs. Bah, apparemment non. En gros, le premier tour, et ça vraiment, personne n'a encore commencé à parler, le premier tour, il y a la nuit, et les loups-garous peuvent tuer quelqu'un. Mm-hmm. Et donc, toi, tu travailles, le jeu, il n'a pas commencé, on te dit, t'es dead. et là, moi, ça m'est déjà arrivé, je me lève, je dis, je sais pas qui c'est la sorcière, mais en vrai, la sorcière, elle aurait dû me réveiller parce que je méritais pas de mourir. Bande de fils de pute, et je quitte la pièce. Mais faut pas jouer avec des gens, parce que je suis tout seul dans l'hôtel. Faut pas jouer avec des gens qui jouent avec ces règles-là, faut vous dire que la première nuit... Il n'y aura pas de meurtre. Ouais, c'est la règle de base. Et moi, là, je fais putain, mais on enlève cette règle. Je dis, mais c'est écrit dans le papier, mais connard. Enfin bon, bref. Ouais, c'est oui, le concept. Je suis en train de m'énerver. Ouais, non, je vois, on a touché un point sensible. Et toi, Flaubert, pourquoi tu n'aimes pas moi, non, mais moi, c'est parce que c'est toutes les trucs. Les gens m'ennuient. Ouais. Alors, il y a de ça, hein. Mais non, le truc que tu dis de tout ce que tu trouves de bien, c'est ce qui m'énerve. C'est que les gens sont les pires d'eux-mêmes. Il y a une. On est content parce qu'on a bien arnaqué les gens, ça tout m'énerve. Alors qu'une petite bonne paye, bah ça ne excuse-moi, ça ne fait vrai. Pas ça, ça j'ai ne fait pas ça. Il n'y a qu'un paye. Seul moyen de gagner de l'argent, dans putain de jeu, c'est les transactions. voilà, ce jeu n'a aucun intérêt, mais tellement. C'est vrai que quand tu y repenses, la bonne paye c'était un peu chiant. Ah non mais mec, c'est comme comment ça finit le Monopoly. Je connais personne. Le Monopoly pour moi se termine toujours par. On arrête, hein, ouais. On va arrêter. Ça jamais une fin de partie sauf, quoi. Sauf si tu joues avec un mec qui accepte de perdre jusqu'au bout, parce qu'en gros. En gros, le Monopoly, on est égalité. D'un seul coup, il y a une tendance à la baisse. Et le mec fait, bah, si on t'a gagné, j'arrête. Et en vrai, t'aimes trop aller jusqu'au bout. Et en fait, la mort du gars va être vraiment très, très lente. Et je pense qu'un supplice, c'est perdre au Monopoly, mais devoir jouer jusqu'à la fin. Ah ouais, parce un que c'est vraiment très lent. La défaite au Monopoly est très sombre parce que oui, c'est lent. Très long. C'est lent. Du coup, la fin, tu sais, tu fais, bah, j'hypothèque ça. Et tu remontes jamais d'une hypothèque. Puis maintenant, je vais hypothéquer ça. Ouais. Ah, cool, un concours de beauté, j'ai 50 euros de plus. Ah, t'es passé chez moi, ça sera 3 milliards. Ok, bah vas-y, j'hypothèque. Ah, yes. Ah, yes. 1000 euros, mais sachant qu'on a fait 30 tours de trucs, bah, l'inflation, elle est méga vénère, et maintenant l'unité, c'est 100 000, tu vois. Donc, Pour revenir, parce que c'est ça, flou de casse, on part d'un sujet, on revient à un autre, c'est extraordinaire. Mon bon Antoine, toi, tu m'as dit, hors antenne, que c'était un peu compliqué, puisque tout était un peu fade. Là, on va rentrer dans la partie fun, on va dire. Non, c'est pas que c'était fade, c'était que... Le thème, c'est les échecs d'adolescence. Ouais. Moi, c'est une période de 5 ans à peu près, tu vois. Ouais. C'est genre, non, ça a été une adolescence horrible. Ouais. Du coup, j'ai pas vraiment d'anecdotes très marrantes, en fait, à raconter. J'ai pas envie de plomber l'ambiance. Ou quoi, non, mais vas-y, parle-en, c'est intéressant. La mienne, elle plombait pas. J'ai juste pas tant envie d'en parler, surtout, en fait. D'accord, okay. Ça s'est très mal passé, mais par contre, j'ai une petite anecdote un peu plus rigolote. Quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais 9 ans, justement, parce que là, c'est les anecdotes, en colonie, à la montagne. J'étais avec un... En fait, c'était... Ouais, on était chacun dans deux par chambre. Et je me souviens qu'on foutait vraiment la merde, mais genre de ouf. Et les moniteurs, ils n'en pouvaient plus du tout. Du coup, ils ont commencé... Non, c'est pas vrai. J'allais dire une bêtise. J'allais dire taper. Du coup, ils nous ont... Je ne sais plus pourquoi. Même quand j'y repense, je trouve la situation un peu bizarre. Ils nous ont dit, vous restez le temps qu'on vient de vous chercher pour aller faire je ne sais plus quelle activité à la con. Vous restez debout sans bouger dans vos chambres. je me souviens qu'il nous avait fait ça. En mode première compagnie, quoi. Mais vraiment, vous restez debout et vous ne bougez pas, tu vois. Tant qu'il y a le calme et pas rétabli. Trop bizarre. Ouais, je sais pas. Et je me souviens que mon pote en face, il arrêtait pas de me faire des grimaces de ouf, en fait, et des, et des têtes marrantes et des positions rigolotes. C'est comme ça, parce que les mecs vérifiaient les chambres, mais quand ils étaient pas là, du coup, ils faisaient n'importe quoi. Et je me souviens qu'il me faisait tellement rire. Que je rappelle, j'avais 8-9 ans, hein, et je me suis pissé dessus. Ah oui! Oui, le pipi. On aime, c'est je me suis pissé heures. Dessus, mais il ne s'en est pas rendu compte, en fait, mon pote. Et du coup, je n'osais le dire à personne. Du coup, je suis resté toute la journée avec de la pisse. Pour nettoyer, tu vois. Oh, et depuis, je ne me suis pas lavé, en fait. Et tu t'en rends compte que c'est chambé de se pisser bah dessus. Écoute, ah ouais. Voilà, je vois pas d'où vient le mythe que c'est dégueulasse. Et c'est des économies d'eau. Voilà, oui, paraît-il. D'accord. Ah, la voilà vache. Une petite anecdote un peu rigolote. Ah non, mais moi j'adore. Moi, à partir du moment où il y a de la pisse, je suis vraiment très heureux de ce qui se passe. Tout à fait. J'ai ouvert en te disant que je m'étais chié dessus au lycée, ce qui est toujours un peu plus compliqué. Oui, du coup, c'est, en fait, je pensais pas à cette anecdote, mais le fait que tu dises je me suis chié dessus, ça m'a rappelé. Bah oui, bah ça éveille toujours un peu des souvenirs aux gens. Et personne s'en est jamais rendu compte. Il y a même pas eu de moment de gens qui se sont dit ah l'odeur et tout. Non, vraiment personne. Les gars, ça sent la pisse. Non, ça sent vraiment personne. Ça. En fait, je pense que tout le monde se le dit, mais tout le monde est là. Non, à ce stage-là, franchement, il n'y a pas de filtre, tu vois. Ouais, en général, tu le dis. Puis même, les moniteurs, et s'ils avaient capté ce truc-là, ils auraient fait, non, mais on va nettoyer ta bite, en fait. Enfin, non, ils n'auraient peut-être pas nettoyé ta bite. Je pense pas qu'ils te l'auraient fait. Ah, mais c'est ça, les potes, en fait. On va nettoyer ta petite bite. Reste bien droit, on va te nettoyer la bite. Ne bougez pas. Ça vous est déjà arrivé d'avoir, justement, l'animateur qui nous parle. Pas aussi extrême que ça. Enfin, j'en sais rien, mais on va pas en parler maintenant, je pense. Mais... Non, mais surtout, un truc qui s'était passé quand vous étiez genre enfant ou je sais pas quoi, que vous trouviez plutôt normal et qui restait dans votre tête en mode c'est normal, mais d'un seul coup, vous avez repensé à ça plus tard et vous dire putain, mais en fait, c'est trop pas terrible, en fait. Moi, j'ai eu ça, mais pas... Enfin, c'est pas sexuel et c'est pas bizarre, mais c'est plutôt un truc où j'y ai repensé genre 15 ans plus tard et j'ai fait genre, what? Ouais. Et en fait, moi, mes parents, ils étaient restaurateurs. Et mon meilleur copain, à l'époque, sa mère, elle travaillait en politique. Et son père, on ne savait pas trop. Et un jour, dans la récré... C'était un mafieux, clairement. Ouais, clairement. Attends, un jour, à la récré, il m'a dit un truc. Après, j'ai totalement oublié. Et je me suis réveillé il y a 2 ans de mon lit en faisant genre, oh, putain, je viens de comprendre un truc de ouf. À la récré, il m'a dit, mon père, il vend des sous-marins au Pakistan. Et quand j'étais petit, j'étais hyper innocent. Et je me suis dit... Ouais, le gars, tranquille, il doit avoir 4 ou 5 sous-marins. Il est dans une marina et tu vois, il fait visiter à des Pakistanais. Alors là, voilà, celui-là, il a l'air conditionné, etc. Bah, écoutez, je vous en prends 2. Voilà. Écoutez. Je vais prendre ce modèle-là, il est plus petit, puis c'est vrai que bon, c'est plus adapté pour ma femme. Ouais, puis ça, c'est une américaine. Bon, vous me faites une ristourne. C'est bien parce que vous êtes sympa. Il est élevé câblé. Hein. Et en fait, plus tard, je me suis réveillé, j'ai fait. Mais c'était un putain de marchand d'armes. Non, mais c'est clair, en fait, c'est-à-dire que la France doit certainement avoir des gens qui vendent des armes bien sûr. À l'étranger. Et oui, qui sont, bien sûr. Et ça ne paraît pas comme ça. Après, ça doit être assez opaque. Et j'ai essayé de googler son nom de famille. Introuvable, un putain de trouvable. sa mère comme son père. Et c'est genre incroyable, quoi. Enfin, cette anecdote, elle est... Après, sans vouloir critiquer ce monsieur, c'est lui qui te l'a dit ou c'est son fils? Non, c'est son fils. Ah oui, mais le fils, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas genre dire à ton fils. Alors, je vends des sous-marins à des Pakistanais. Ne le dis à personne. Hein, ouais, je pense que c'est pas mal qu'on ça reste entre nous. Tu dis pas que papa, il s'habille avec des toges en triangle et qu'il vénère le truc du triangle. Ouais, non. Tu dis ça à personne. Ça, vraiment, tu le gardes pour toi. C'est important. Non, mais en fait, par contre, sa mère, j'ai appris que c'était une des conseillères de Mitterrand. Oh. Et donc, son père, que je n'ai jamais rencontré et qu'on n'a jamais rencontré. Vraiment, même un moment, ma mère m'a dit, j'ai cru que c'était une famille cachée de Mitterrand, tellement son père, on l'a jamais vu. Et il m'avait dit, à la récré, il m'a dit, mon père, il vend des sous-marins au Pakistan. Et donc, putain. En fait, c'est assez marrant plus tard de se rendre compte, genre, ouf. Ah ouais, en fait, son père, ça doit être un gros, gros bonhomme qui va vendre des grosses bestioles sous-marines. Putain, c'est extraordinaire. Ça me fait juste penser, du coup, à l'histoire du mec qui dit que son père fait ci. Quand j'étais en seconde, j'avais un mec dans ma classe, il me disait que son père, c'était le... Justement, non, pas tout à l'heure, je sais pas pourquoi. On a évoqué ce film tout à l'heure, parce qu'on parlait de Patrick Timsit. Mmh. Il m'a dit qui revient souvent dans les conversations. Son père était le scénariste de Un Indien dans la ville. Oh. Et c'était absolument vrai. En fait, c'est vraiment son père. Il avait un nom très, je vais pas le citer, mais faut le chercher au pire. Mmh. Et en fait, du coup, c'était marrant à l'époque parce que je connaissais personne qui était comme ça. Et du coup, je me suis dit putain, c'est marrant que son père soit le scénariste d'Un Indien dans la ville. Et récemment, je parlais de cette anecdote à quelqu'un. Il y a genre littéralement un mois. Et je lui dis, ah, j'avais un pote, son père, il s'appelait Intel. Il était scénariste d'Un Indien dans la ville, mais je sais plus trop ce qu'il a écrit d'autre. Et du coup, je googlise son nom. Et en fait, je me suis rendu compte que son père, à part être scénariste pour certains rares films, est surtout un énorme acteur porno. c'est absolument ce twist d'anecdote. C'est incroyable. Celui-là, il était invisible. Mais j'ai découvert Shyamalan. J'ai découvert ça il y a un mois, parce que pour moi, pendant 12 ans, ce mec, c'était le scénariste d'Un Indien dans la ville, tu vois. Et en fait, c'était aussi surtout un acteur de bons films de Boulard. On est mal, comme dirait le bon Patrick. Ça... C'est extraordinaire. Ouais, c'est marrant. Oh, c'est les gens changent de carrière. Mais d'ailleurs, il y a les gens où tu te dis. Non, il avait fait ça avant l'Indien dans la ville. Il a quand même changé de carrière. Il a quand même changé de carrière. Vladimir, comme il s'appelait, je le salue. me disait que son père était serlariste d'un indien dans la ville, il allait pas me dire le reste de sa, et puis il a une bonne grosse queue, mais bon, voilà. t'as 8 ans et demi, donc je vais peut-être pas te dire en ça seconde, tout de suite. En seconde, donc, il aurait pu parler de grosse queue. Ouais. Moi, c'est marrant parce qu'on parle d'anecdotes qui étaient, comment dire, qui nous paraissaient petites quand on était enfant et qui en fait sont assez ouf. Il y a aussi l'inverse. Moi, je me souviens m'être rendu malade pour des contrôles et que, avec le recul, je fais. Attends, sans déconner, je suis cinglé, mon gars. Vraiment, un truc. Moi, je me souviens, mais. Contrôle de Condé. Non, mais tu sais, des vieux TP tout pourris, des TD même, enfin, des trucs où je me souviens avoir fait des nuits blanches à pas avoir mangé et tout, machin et tout. Et après, je me souviens même plus de l'exercice, quoi. C'est vraiment. Mais même aujourd'hui, c'est un peu une question de référentiel. J'ai ma copine, Gros bisous, hein, d'ailleurs. On fait des gros bisous. Elle stresse, mais vraiment, elle stresse. Tu vois, elle a des angoisses nocturnes, etc., ouais, avec son boulot. Et je lui dis, ce qui est fou, c'est que dans un an, ton boulot, tu l'auras quitté. Je te raconterai ça, mais ça te fera ni chaud ni froid. Tu sauras même plus de ce que c'est, etc. Et c'est fou à quel point, tu vois, quand c'est ton quotidien, ça te bouffe, à quel point c'est dérisoire, quoi. Ah, mais non, mais ça, c'est incroyable. Ma meuf aussi, à ça, elle fait des crises d'angoisse, on appelle ça. C'est la même, d'ailleurs. Oui, bah, waouh, mec. Tu la vois que les lundis, les mardis et les jeudis. Je la vois que les mercredis, les vendredis et les samedis. C'est pour ça qu'elle dort mal. Bah. Non, mais oui, bien sûr. Bah, après, ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que des fois, le travail t'ajoute un stress et peut prendre une énorme place mais dans mais ta c'est vie. Vrai pour l'école, t'as ce truc-là. Tu te dis, putain, mais tu joues toute ta vie sur un TP de technologie, s'il te plaît. Ah ouais, non, mais moi, en plus, vraiment, j'ai eu la chance, j'ai eu une super éducation. Mes parents étaient vraiment chambés. Mais par contre, ils foutaient vraiment la putain de pression sur les devoirs. Et vraiment, j'ai jamais redoublé. En fait, le problème, mon frère est surdoué. Et il a sauté une classe, genre. Il a été chez le psy et le psy fait, bah non, mais votre enfant a tant de QI, machin et tout. Ma mère, elle fait, waouh, putain, et tout. Ah bah Flo, vas-y, fais le test. Non. Non. Alors, pas en dessous, mais vraiment, je me souviens. Et c'est fou d'ailleurs des fois, tu sais, tu te dis, mais l'enfant est présent dans la pièce. Ça reste, ces trucs-là, tu vois. Je me souviens du psy à faire, bah non, il est très normal. La base, quoi. C'est bien. Angine à surveiller, mais... Ouais. Peut-être les yeux, aller voir le docteur Guigui. Mais sinon... Alors, je vous fais un truc. Docteur Guigui, vous allez voir. Il vous prend tout de suite. Le laser, c'est dans la journée. Hein. Non, mais donc, du coup, tu sais, machin, je fais OK. Et du coup, mes parents m'ont tout le temps mis la pression sur les devoirs. Moi, c'était l'inverse. Enfin, c'est pas de pas aller à l'école. Mais j'ai vraiment été éduquée dans le côté, genre, ouais, stresse pas, rien n'est grave. Ah, mais c'est fou, ça. Ma mère est totalement philosophe. Et du coup, genre, c'est resté parce que je ne stresse absolument jamais. Et t'avais des bonnes notes et tout ? Ah, j'avais des bonnes notes, je me démerdais. Mais ça énervait beaucoup les profs parce qu'ils disaient. Ouais, tu branles rien en fait, ouais. Tu te fatigues pas et tout. Ouais. Bah oui, forcément, j'étais la seule arrivée au contrôle, genre, il y avait contrôle. Ah, la célèbre. Et tu sais, je me posais, je faisais mon truc et j'étais toujours, mais zen, grave. Et mes parents, j'espère qu'on t'appelle à la récré parce que de la bite. Arroger la bite. Ah, et j'ai eu 19. Totalement, c'était totalement mon style. Ça, je t'ai de grandes chances si on avait été dans la même classe que je te déteste au plus haut point parce que moi, c'était genre, attends, il y a contrôle ? Non, il l'avait pas dit. Non, il a pas dit, il y a déjà l'histoire. Non, mais il y a déjà le contrôle d'histoire, monsieur, il y a déjà le contrôle d'histoire, on va pas. Mais pareil, mes devoirs, même si j'arrivais, je faisais, ouais, j'ai les devoirs, elle faisait, oh. Vraiment, c'était ma mère. Elle n'en a rien à faire. Oh, putain. Elle m'a éduquée. Elle m'a dit, oh, bah, t'inquiète, hein, te mets pas la rate au courbouillon. Ce genre de truc. Genre, vraiment, mais il suffisait que je fasse genre, ouais, j'ai pas fini mon devoir. Tout le fait. Ouais, mais c'est cher, les études. Hein. Mes parents, c'est surtout la pression, mais juste en apparence, en fait. C'est genre, tu fais tes devoirs. Je ferai, moi, je les ferai plus tard. Oh, putain. Bon, d'accord. Enfin, c'est très comme ça. Ah, putain, mais alors que moi, mes rentes, c'était vraiment. En fait, je pense qu'ils avaient pas toutes les clés. Et du coup, ils étaient un peu en mode un peu trop full nazi. Genre, moi, il fallait que je récite mes leçons. Tu viens traiter des parents de nazis en fait. Ouais. Non, mais ils le sont, hein, par contre. Bah après, moi, je les ai vus, ils ont un monocle. C'est quand même. Voilà. Et ils veulent absolument tuer Indiana Jones. Donc, vraiment, je sais pas. Il y a plusieurs fois qu'ils parlent. Ouais, c'est le genre de nazi. Ouais, ils veulent vraiment tuer Indiana Jones tout le temps. Indiana Jones. Ah, les repas de Noël, c'est un peu long. Ah, c'est relou. Non, mais donc, du coup, et en fait, par exemple, quand tu. Je sais pas, quand je faisais genre. Oui, alors. Les Français sont battus contre les Allemands. Non, l'armée française. Genre vraiment, genre, non, mais il faut que ça soit bien. Alors qu'en fait, ça a été ça jusqu'à mes 13 ans. Et en fait, j'avais des notes plutôt bonnes. Et après, ils ont complètement lâché la rampe en mode, bon, vas-y, gère ta life. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment, ils étaient vraiment, tu sais, l'éducation était vraiment capitale, quoi. Avec la célèbre phrase, je pense que vous l'avez eu aussi, enfin, sauf toi, Luciole, puisqu'apparemment tes parents sont John Lennon et Yoko Ono. Toi, c'était totalement. Tu fais tes devoirs, oh, carpe diem. Oh, là, allez, c'est bon. Tiens, tu reprends du foie gras. Allez, tu veux un peu d'alcool. J'ai 12 ans. De toute façon, allez, on vit qu'une fois, ma fille. Ça aussi, j'avais une chicha dans ma chambre. À quel âge ? Non, par contre, c'est pas une blague, j'avais un narguilé dans ma chambre. À quel âge ? Alors, on avait des narguilés dans toutes les pièces, je crois, déjà. Chérie, t'as fait les devoirs. Ouais, grave. Pas encore. J'ai joué à la fête de l'Huma. J'ai joué à la fête de l'Huma en 2012. Moi, j'en ai eu un 13 ans, je crois. 13 ans. J'ai été bassiste de Sinsimilia. Enfin, ouais, t'as fait tout ça. Des wampas. Si je sortais pas un samedi soir, elle faisait, bah, tu fais quoi? Oh putain. Je faisais, bah, j'ai pas envie de sortir. Et tu pourras au moins cachetonner un son pour un concert de reggae. Elle me dit, genre, tu sors pas voir des potes, c'est samedi. Je fais, bah non, elle fait. Ah, tu sais, en mode, tu fais pitié, meuf. Genre, vraiment. Avec le Starwell tout neuf qu'on t'a acheté, là. C'est un autre genre de pression. Ah, c'était vraiment ça, c'était genre, boum, bah, okay, ah bah, alors, avec papa, on t'a acheté des bolas, ça, normalement, tu les avais pas sortis de la boîte. Même pas, tu les mets en feu. T'avais pas le droit d'être introverti, en fait, du coup. Ah, j'ai, mais de toute façon, bah, j'étais pas introverti. Oui, mais. T'as eu la chance, presque, de pas être introverti, quoi. Tu sais, il y a ça aussi, des fois, quand tes parents sont vraiment en mode ultra cool, tu te dis, oh, je suis moins cool que mes parents, c'est un peu dur quand même. Moi, je suis très introverti dans la vraie vie, et moi, si j'avais eu des no offense, j'aime beaucoup tes parents, ils ont l'air super, mais si j'avais eu des parents comme les tiens, je pense que ça m'aurait foutu une pression, mais monstrueuse, en fait, je pense. Mais ça dépend de, enfin, ma sœur, par exemple, elle est autiste, donc pour le coup, c'est vraiment l'exemple même de l'introverti. Et avec elle, il n'y avait pas de problème. Et à aucun moment, il l'a poussée à quoi que ce soit. Parce que même de base, ils avaient envie de la pousser parce qu'ils n'avaient pas envie de la considérer comme une handicapée. Et tout. Donc, bien sûr. Il l'a poussée dans l'autre sens, mais ils étaient hyper bien sûr. Cool. Je pense que ça, on l'a tous compris. Je ne disais pas ça contre tes parents précisément. Ils ont inventé l'expression pisse et love. Dans l'éducation, comme ça. Genre, par exemple, fout de la pression, est-ce que tu sors ce samedi soir? Voilà. Ça, il ne le faisait pas avec ma sœur, par exemple. C'est juste qu'avec moi, ils étaient en mode. Détends-toi, ma fille. Ouais, détends-toi. Voilà, tu pourras dire à ton père que Imagine, c'est vraiment une très belle chanson. Non, mais c'est vrai. Ils sont si petits. C'est vraiment ouf ce que tu dis, parce que je pense que c'est vraiment l'extrême inverse chez moi. Attention, ils sont pas du tout hippies quand on les voit. Ils sont genre costard-cravate. Hein, vraiment, ils sont un peu hippies. Mes parents, ils sont nés en 48. Ouais. Donc, ils avaient 40 ans quand ils m'ont eu. Bah, mai 48, déjà. Voilà. Ils ont fait mai 68. Ouais. Mon père, il s'en battait les couilles. Je crois qu'il était sur un destroyer au large de l'Afrique en train d'avoir des enfants. D'accord, ok. Et ma mère, elle voyageait aux États-Unis. Mais ils étaient. Eux, ils étaient restaurateurs tous les deux. Et c'était impossible que je fasse pas d'études. Ouais. Mais c'était. Je pense que c'était une forme de complexe parce qu'eux n'en avaient pas fait. Mais c'était aussi. Nous, on est commerçants. C'est un métier. C'est très insécurisant en termes de salaire et tout. Donc, toi, tu vas faire des études. Ouais. Toi, tu vas devenir ingénieur. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est un schéma qui est très, très répandu. Et ça. Vraiment, c'était obligatoire. C'était pareil. Tu vois, genre, à un moment, j'ai joué aux échecs. Ah, bah, tu vas être champion d'échecs. Donc, tu sais, ils m'ont mis dans un club jusqu'à ce que je déteste au bout de année 1. Et du coup, ça a toujours été comme ça. Je sais pas pourquoi là, je fais un peu une thérapie, mais. Parce que moi, tu mets des mots sur ce que je disais un peu moins bien tout à l'heure. C'est vrai que c'est ça. Je pense que c'est un schéma. C'est un truc de protection des parents, vouloir dire. Nous, on en a un peu chié. On arrive à survivre parce qu'on se casse le cul. Mais toi, il y a une possibilité de vivre. Moi, mes parents sont un peu plus jeunes, je pense. Moi, mon père, il a 51 ans, donc tu vois. Voilà. Ah oui, il est jeune, ton père. Ouais, je te dis, moi, ils m'ont eu très jeune. Tu sais, la contraception à l'époque n'était pas aussi voilà. Ouais. Et je pense que c'est un truc de nous, on se casse le cul, on est rincé à la fin de la journée. Essaie de bosser à l'école, comme ça, peut-être, t'auras une vie un peu plus pépouse, quoi. Et je les en remercie parce qu'au final, ma vie est plutôt cool. Je sais pas si c'est lié à ça. Ça a dû aider, forcément, un petit peu. Tes deux parents étaient pareils à ce niveau-là, parce que moi, en fait, mes deux parents étaient très différents, en fait, à ce niveau-là. Mon père voulait que. Il avait très envie que je fasse genre des grandes écoles de type Sciences Po et tout. Ma mère, beaucoup moins, tu vois. Et du coup, c'était pas la même pression de la part des deux parents, quoi. Bah, moi, je pense que mon père, c'était juste. Fait les trucs bien et qu'il était mon père bossait beaucoup, tu sais, c'est vraiment un gars qui je t'ai dit, les jardiniers, tu vois, bon jardinier de Bourgogne, donc si tu veux, voilà, il a vraiment après, il y a du travail là-bas, hein. C'est bon ça, non mais en Bourgogne t'as les mains dans la terre H24, quoi, et je pense que du coup il suivait ça un peu de loin comme il pouvait, tu vois, mais voilà. Et du coup, lui, c'était juste, je pense, il demandait à ma mère, bon, ça va, il bosse bien, bon, bah voilà, et bah ouais. Ah, il a eu une sale note, bah bosse mieux, voilà, c'était à ce niveau-là, quoi. Mais ma mère, je pense qu'il y avait un vrai truc de vas-y, il faut que tu sois pas dans la merde. Il faut vraiment que tu fasses que tu travailles. T'es dans la merde. Que ce chiffre augmente avant la fin. Autant ton frère, il n'y a pas de souci, mais ton frère t'a fait un planning. Tu pourras travailler avec lui. Et c'est normal, c'est les parents. C'est mais vrai. Oui, bien sûr. Et c'est au final, c'est ça qui normal. Est souvent rigolo, c'est que toutes les raisons pour lesquelles tu peux parfois en vouloir à tes parents quand t'es ado, enfant, machin, tu te rends compte en vieillissant que c'est soit de la maladresse, soit mais souvent oui. c'est que de l'amour en fait. Quand j'avais 13 ans, c'était pas nécessaire. non mais c'est poussé par l'amour. Mais c'est ça, tu penses que ça n'a pas d'impact, mais ça en a. Tu ne serais pas ce que tu serais aujourd'hui. Et c'est pour ça et surtout moi ce qui était drôle, c'est que mes parents vraiment sortaient les phrases ultra clichetons. Moi j'avais toutes les semaines le il a eu combien Guillaume Soirfec, il a eu combien? Et ben voilà. Mais maman, j'ai eu 16 quand même, c'est bien. Guillaume, il a eu 17. Guillaume, il a eu 17. Kian Colandi, on écrivait bloqué ensemble. Il avait une très bonne vanne. Il disait, genre, si ta mère te dit, il a eu combien Guillaume Soirfec? Toi, tu dis, mais t'as cru que t'étais au niveau de la mère de Guillaume Soirfec? Sans déconner. C'est pas mal. Moi, je suis au ratio. Je suis quand même. T'as vu le niveau de vie de Guillaume quand même? Attends. Les jouets qu'il a, Ça va quoi. T'as vu son Noël à Guillaume Soirfec? File-moi un Noël comme ça, peut-être je vais réviser. 60 mètres carrés leur appartement. On n'est pas dans un moment où on a aussi les gamins qu'on mérite. Et mon père, c'était un vieux, et du coup, c'était le roi des grandes phrases. Et tu sais, il disait toujours, ah, qu'est-ce que tu veux, on se couche dans le lit qu'on s'est fait. Avec des trucs comme ça, tu vois. Mais et des fois, ça n'a aucun sens. Tu sais, genre, vraiment, c'est pas du tout adapté. Et il termine très souvent des discussions. Donc, tu sais, t'as un dialogue où t'as même plein de gens qui parlent. Et il termine en disant, ah, tu changeras pas les gens. Ouais, c'est cette phrase conclusive classique. Marche. Tout le temps. Tout le temps, mon père l'utilise tout le temps. Je peux terminer n'importe quelle discussion oui, bien par. Sûr. Tu changeras pas les gens. Oui, non, mais ça, est-ce que des fois il ajoute un petit bah qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En revanche, moi j'ai appris à filouter puisque moi pour le coup j'avais la malchance de pas être très bon à l'école puisque j'avoisinais les 8-10. Ah oui. Et ça c'est pas du tout agréable parce que 8-10 c'est ni nul cool ni chambé quoi. Ouais, t'es moyen moins. Ouais, moyen moins. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle le moyen moins. Et le moyen moins c'est trop chiant. Tu viens de quelle région de France? De Bourgogne. Ah ouais, c'est pour ça. Mais nous on dit plus moins. Et moins. Ouais. Une bâche. Une bâche à l'école. Et il y a que le Bourguignon qui rigole. Ah oui non mais. Et en fait moi vraiment je cachais mes notes. Je trafiquais mes bulletins, je faisais pareil, des photocopies, pareil. Quoi. Moi, c'était Tipex et non, tout. Ça m'est arrivé aussi. Je transformais les 8 en 12, quoi, parce que c'était nécessaire. Ah oui, 12. Moi, j'allais pas faire 18. Alors, c'est plus simple, hein. Il y a juste à mettre un 1 devant. Moi, j'avais effectivement l'opportunité de mettre un 1 et que ça se transforme en 18, ouais. Mais par des soucis de crédibilité entre les saisons. Pour éviter de faire attendez dans la saison 1 il était nul et là il a 18 ça va pas bizarre, le personnage il est mal construit quoi. Oui, c'est vrai. Donc non, j'ai essayé de créer une cohérence dans la story, une sorte d'augmentation ouais. quand j'ai commencé mes études mais quand je suis arrivé en CP en fait tout début de l'étude exactement ça. J'ai commencé mes études très jeune à 5 ans j'étais un très très bon élève jusqu'en 5e globalement, vraiment un des meilleurs des élèves de ma classe, et à partir de la 4e j'ai vraiment dans l'adolescence en fait j'ai vraiment décroché des études. Ça m'intéressait plus en fait, je ne suivais plus, j'étais trop le cerveau pris par plein d'autres trucs, et du coup je suis devenu un élève de merde, je me suis pris les avertissements de travail de partout et tout. Bon, mes parents ça leur cassait les couilles, mais ce qui est cool en tout cas c'est que une fois que j'ai eu mon bac au rattrapage, une fois que j'ai eu ce putain de bac, ils m'ont laissé faire vraiment ce que je voulais en fait, et du coup ça c'est vraiment cool. Ils m'ont pas forcé, ils m'ont pas dit tu vas chercher un travail ou tu vas faire tel type d'études ou tout ça. Et moi je veux plutôt faire de l'audiovisuel, des trucs comme ça. Ils m'ont fait non mais il y a pas de problème et tout, et je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens. Oui, en fait. Non, moi j'ai eu de la chance aussi à ce niveau-là. Merci à eux, quoi. C'est ah, cool. Bah oui, non, mais encore une fois, enfin après, moi je veux pas parler pour tous les gens autour de la table, mais oui, moi, même les trucs, moi, où je me moque un peu d'eux, ou de trucs qu'ils ont pu faire que je trouve un peu à la ramasse, en vrai, comme je disais, c'est que poussé par l'amour et le. Ah oui, moi, mon sûr. Père, il a fait un truc très mignon. En gros, moi, pareil, ils m'ont dit, bah, si tu veux être. En plus, moi, ils sont vraiment divorcés au moment du bac, donc vraiment, ils avaient d'autres choses à gérer que mes études, donc ils m'ont vraiment laissé faire ce que je voulais. Et du coup, moi, j'ai fait une fac d'audiovisuel, qui est normalement le truc où les parents, ils font genre, qu'est-ce que tu fous, putain. Mais voilà, ouais, moi. Normalement, il y a inquiétude, ouais. Il y a l'un des deux qui fait un ulcère. C'est même pas une vraie école, tu vois, c'est vraiment genre un truc, bon, voilà, il y a le Crous, il y a une bourse, on peut se démerder. Donc, pour le bon côté, c'est que je leur ai réclamé très peu d'argent, puis j'ai très vite bossé au McDo et tout, donc comme ça, bon, voilà, j'avais rien à. Je leur demandais rien, quoi. Mais ils me soutenaient, et mon père a fait un truc très mignon qu'encore aujourd'hui ça me fait sourire, parce que c'est un acte d'amour et en même temps un truc d'une maladresse. Et c'est là où tu te rends compte que t'es vraiment le fils de ton père, parce que c'est un truc vraiment que je peux faire même dans mon couple en voulant être gentil, et que ma meuf me regarde en disant mais t'es vraiment un blaireau, et je fais mais non, mais moi je disais ça. Il a construit un espèce de mini gîte en Bourgogne en disant bon comme ça si ça foire ton truc tu pourras toujours descendre en Bourgogne et gérer un gîte. Et tu sais j'étais là genre ouais, enfin après peut-être on peut se dire que ça a pas foiré aussi. Mais voilà, du coup j'ai trouvé ça très mignon. Bah oui, complètement. En vrai, c'est super. attention. Oui, bien sûr, mais tu sais, quand t'es, mais quand t'es à la fac. Je trouve très ingrat, Flaubert, en fait. Mais non, en plus, j'adore mon père. Mais c'est juste quand t'es à la fac et que t'es complètement, tu sais pas du tout. Enfin, moi, je me suis lancé là-dedans, même YouTube, c'était pas vraiment ce que c'était. J'étais vraiment en mode, genre, bah, vas-y, moi, je voulais faire, je l'ai dit mille fois en podcast, mais moi, j'étais en mode, bon, bah, vas-y, je ferai des films d'entreprise, je serais très content de manier une caméra, déjà, et ce sera chambé. On est vraiment tous arrivés un peu ici, vraiment, totalement par hasard, en fait. Tellement. Carrément. Un peu tordu mais partout. Mais je pense que c'est aussi parce que pour lui, ça l'échappe. Enfin, moi, je sais que mon père, il a appris très récemment que je faisais du podcast. Ça fait 3 ans que j'en fais. Mais tu le cachais hein, déjà. Ouais, t'as fait ton coming out auprès de ton père. Non, hein. En fait, il l'a vu parce que du coup, comme on est passé dans un journal mainstream de gauche, ils ont vu l'article et ils ont fait ah, mais tu fais ça quand, etc. Et mon père, il m'a dit attends, mais c'est-à-dire que tu vas arrêter de bosser, tu vas quand même pas passer ton temps à faire tes petits machins avec tes petits micros. Ça sert à rien. Enfin, il avait dit sale merde à la fin de la Non, mais lui, c'était fou parce qu'il était inquiet. Ouais. Vraiment, il a dit, mais tu vas quand même pas arrêter ton boulot. Relire Tintin, c'est quand même pas un métier. Enfin, je veux dire, et pour eux, ça leur échappe totalement. Il me dit, mais ça, c'est 1 sur 1 million, les acteurs. C'est des fils d'acteurs. Enfin, je veux dire, ouais. Fais ce que tu sais faire. Tu fais des maths, et basta, quoi. Mais je pense que... ce genre de comportement, je pense que c'est un truc qui va mourir avec une époque, tu vois. C'est des gens qui sont nés avant les années 50. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là, ce mythe de tu peux pas devenir. Enfin, c'est vrai pour eux, ça restera toujours un truc de saltimbanque. Bien sûr. Et tu verras jamais de ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Bon, en l'occurrence, pour le podcast, il a raison. Je vais encore continuer à écouter ses conseils. Mais je trouve que la plus grosse des leçons, c'est de voir que les gens l'ont fait avec YouTube et la vidéo, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a un vrai truc aussi de truc qui va évoluer. De maintenant, c'est surtout... Merde, je me suis perdu dans ma pensée, excusez-moi. Non, je pense que le truc, en tout cas, surtout, c'est que il y a une vraie propension à être heureux. J'ai l'impression que les gens sont... Le bonheur est devenu un truc très important, presque plus que la stabilité. Moi, je sais que mes parents, ils étaient plus dans un truc. Non, mais déjà, sois stable et après, tu t'occuperas de ton bonheur, entre guillemets. Ouais. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus une génération d'inverse, à savoir, sois heureux. Et quand tu seras dans un mood un peu, ton cerveau sera un peu en mode, j'ai pas à m'inquiéter, tu pourras voir un peu ce que t'as envie de faire. Mes parents, c'était ça. Voilà, le plus important, c'est que tu sois heureuse, peu importe ce que tu fais. C'était en avance sur leur temps. Mes parents étaient un peu comme ça aussi. Ouais. Mais ça, c'est très parce qu'on vient de la classe moyenne. Parce que si on venait vraiment de classe très populaire, je pense que ça serait effectivement des problématiques. J'ai plein de potes qui viennent de classes beaucoup plus populaires. Et effectivement, leurs parents, c'est beaucoup plus « trouve-toi un emploi stable », peu importe. Et du moment que tu... Généralement, ils conseillent même « va bosser dans la fonction publique », des trucs comme ça. Tu vois. Oui, comme ça, t'auras tes week-ends et tu pourras faire ce que tu veux à ce moment-là. Ça, moi, je l'ai eu. Ça, essaye de devenir fonctionnaire. Ouais, c'est ça. Super belle ambition. Sans là-dessus, alors, j'ai rien contre le fonctionnariat. Mais sauf les Italiens qu'on emmerde, encore une fois. Alors, l'administration italienne, quelle merde. Quelle merde. Ça, je pousse un coup de gueule. L'administration. Improvisation. T'es full bilingue. T'es complètement bilingue. C'est incroyable. En plus, je l'ai mis au pluriel. Mais c'est vraiment des conseils. Tu vois, t'es en train de passer le bac et ton père, il dit, tu pourrais peut-être devenir fonctionnaire si tu rates tout. Super. Alors déjà, j'ai pas encore tout raté. Ensuite, il y a peut-être d'autres voies. Peut-être que je peux dessiner, faire de la musique. J'aimerais faire plein de choses, quoi. Bien sûr. C'est tous les parents, le fonctionnaire. Non, mais ça, c'est normal. Mais ça, c'est surtout, je pense, enfin, il est né en quelle année, ton père? 48. Ma grand-mère, elle est à peu près elle est née en 45. Ouais, c'est la même génération. Dans ces eaux-là, et elle est très comme ça aussi. Mm. Mais elle comprend toujours pas que je gagne ma vie avec ce que je fais, alors que je fais ça depuis vraiment un petit bout de temps maintenant. Et elle ne comprend vraiment pas à chaque fois, même encore maintenant. C'est ça que je lui disais, j'étais à... la deuxième fois où j'avais été invité et que j'avais dit oui pour venir faire des dédicaces à la Japan Expo à l'époque, elle m'avait fait, j'avais fait un repas avec elle et elle m'avait fait, tu pourras peut-être dégoter un petit travail là-bas. Tu pourras vendre des Nintendo. Tu dis des mots. Étrangers, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Avec un Fenwick, Et je me souviens, et ma mère, en fait, c'est sa fille. Du coup, ma mère, elle essaie de lui expliquer, vraiment, d'essayer de lui faire comprendre ce que je fais. Et une fois, ma mère m'a raconté qu'elle ne comprenait vraiment pas. Et du coup, elle lui a montré, je ne sais plus à quelle convention, une grosse convention type Japan Expo, justement. Je crois que c'est Japan Expo justement. Il y a quelqu'un, une vidéo de quelqu'un qui a filmé ma file d'attente à Japan Expo en fait, pour rigoler. Et du coup, elle lui a montré la vidéo pour lui dire, mais regarde, ça marche vraiment bien ce qu'il fait, tu vois. Et c'était que des mecs cosplayés, tu vois, des trucs comme ça. Et ma grand-mère, elle a fait que des marginaux. Ah, c'est extraordinaire. Que des marginaux. Ah mais ça fait trop mal en plus. Tu sais, c'est grave. Ça vous fait rire, mais ça fait trop mal, c'est là. Non, c'est marrant. Ouais. Des marches et tout. Ouais. Moi, ça me fait... Moi, c'est mes parents. Non, mais du coup, ma mère a un peu expliqué. Du coup, ma grand-mère a un peu compris, tu vois, que c'était pas juste des marginaux, tu vois. Mais moi, c'est même... En fait, pour elle doit vraiment croire que c'est des folles. Oui, ouf, c'est vraiment, c'est genre les punks dans les... Tu sais, vraiment... Avec leur style excentrique, tu vois, et tout. Et est-ce qu'il y a des mecs avec des hinches, avec des hinches Ouais, c'est ça, vraiment. Ouais. On vient faire dédicacer, ma grand-mère, elle pense que c'est ça, mon public, tu vois. Et c'est marrant parce que moi, j'habite avec ma grand-mère depuis maintenant 3 ans. Et j'ai la chance, parce que vu que je suis Golden Moustache et M6, elle connaît un petit peu M6. Oui. Donc ça, ça va, ça m'aide énormément. Bon, elle me demande tous les soirs quand est-ce que je passe à la télé. Donc, je sais pas, je fais... ouais, merci, mamie. Et aussi, elle a plusieurs trucs qu'elle comprend pas trop. Elle a compris le système de YouTube. Ça arrive à comprendre qu'il y a une plateforme sur Internet où il y a des vidéos. Et elle me dit régulièrement, si tu fais des nouveaux trucs sur ton site Internet, YouTube, c'est le mien, selon elle, c'est la mon chance, site. Chance, hein. T'es voilà. Blindé. Ouais, voilà. Elle me dit, est-ce que tu pourras me les montrer? Et du coup, je lui avais fait une espèce de petite session, je lui avais montré des vidéos. Et à chaque fois, elle n'en avait rien à foutre de la vidéo. Ouais. Tout ce qui l'intéressait, c'était des remarques sur moi, physique. Genre, ah, cette bague-là, je la connais. truc d'après, genre, ah, c'est bizarre tes cheveux, comment ils les ont mis là. tu veux regarder ce que je fais ou tu veux pas regarder ce que je fais? Et vraiment, chaque truc, alors que je montrais des trucs un peu simples, entre guillemets, même des trucs face cam ou juste, je sais qu'elle a juste envie de voir ma tête en train de parler. Et rien que ça, elle, vraiment, il n'y a pas le son, elle s'en fout. Limite, elle fait pause et elle me dit, genre, mais attends, je comprends pas. Là, t'es toute seule. Ou il y a des gens avec toi. Alors, ok, c'est parti. Donc, c'est un sketch. C'est tout expliqué. Elle comprend rien. Faut pas qu'elle lise les commentaires YouTube, en fait. Ouais, Non, mais elle sait même pas qu'il y a des commentaires. Hein. Ah. C'est pour elle, il y a pas d'interaction. Et déjà, quand je lui montre un truc, elle fait, waouh, t'as eu de la chance, c'est en direct. Après, c'est mignon. T'es tombé pile au bon moment. Ouais, c'est cool. Et après, ça part sur les petites remarques. Mais c'est mignon, quoi. Bah c'est... oui, c'est trop bien. C'est trop bien. Chou. Est-ce qu'on peut revenir sur le thème? Parce que moi, j'ai quand même raconté une grosse humiliation. Après, on a fait un peu de la thérapie. Moi, mec, je me suis pissé dessus. Oui, c'est pas mal. J'ai vécu dans la. Moi, j'ai pas raconté mon anecdote que j'avais prévue de mon adolescence. Dis pas que c'est prévu. Ah oui, c'est vrai. Ça me rappelle une petite anecdote. Ah là là. C'était au collège, je ne sais plus du tout si c'était en 5e ou en 4e. Voilà. Donc, je devais avoir à peu près 14 ans, un truc comme ça. Et c'est la période où tout le monde était sur Facebook. Tout le monde. Oui, t'es un peu plus jeune que nous. Alors, je suis en 95. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai 22. T'as vraiment fait une remarque de daron. Putain la vache. J'avais déjà 32 ans. et du coup, j'ai pas trop connu MSN. Et nous, c'était Facebook. Je sens voilà. Que tu t'excuses de tous les gens qui t'envoient des messages. Oui, ben ça, j'ai pas connu. Donc, voilà. Laissez-moi tranquille. J'ai pas connu MSN. Ouais. Donc, c'était vraiment... Je ne connais pas les cochons qui dansent. C'est juste qu'en fait, tu fais sentir vieux, en fait. C'est tout. C'est pas de ta faute. Je ne connais pas le cochon qui danse. Je ne connais pas le Wiz. Laissez-moi tranquille. Ça va, au final, on a tous connu les débuts de Facebook, quoi qu'il arrive. Oui, toi, t'as jamais vu les téléphones où tu dois tourner pour faire les numéros. Moi, j'étais actionnaire de Facebook à ses départs, donc j'ai connu. Moi, j'étais actionnaire d'Alcatel. Alors, si vous voulez encore plus mal, j'avais pas de cassette, mais j'avais un Mac dans ma chambre avec des DVD quand j'étais petite. Ouais. Bon, j'avais quand même des petits DivX, moi. Allez. Mais toi, t'es plus jeune que moi. T'es plus oui, je suis aussi un peu plus jeune. Non, mais on avait les DivX. T'as quel âge, toi, Antoine? Moi, j'ai 31. Oh, le vieux! C'est, il m'a trop mis en confiance. Ah, le gars, t'es mytho, j'ai 25. Putain, pour une fois, on dirait la meuf de ta colo. Donc, non. Pardon, Luciol, vas-y. C'est toi, oui, donc, du coup, c'était les débuts de Facebook. Tout le monde avait Facebook. Donc, personne n'avait sa tête en photo de profil. C'était très important. Mais on mettait plein de photos, des albums. Et puis, on likait des groupes. On likait beaucoup groupes de groupes à l'époque. Très important. Enfin, on rejoignait des groupes. On likait pas encore. Les pages aux noms marrants, là. Ouais. Ouais, mais même pas. C'était, on rejoignait des groupes. C'était pas vraiment des likes. Quelle année t'aurais l'année? Moi, j'ai 50 balles. À 14 ans, c'était en 2009. 2009, ouais, c'est ça, je pense. 2009-2010. Et du coup, donc, c'était les débuts du stalkage, surtout. Donc, du coup, tout le monde regardait un petit peu ce que faisaient les autres parce qu'ils mettaient des albums photos. Ça stalkait déjà pas mal sur les Skyblogs, hein, je tiens à dire. Oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Oh oui. Petite parenthèse au Skyblog. Vous n'avez pas le monopole du stalkage. Hein. Dans les années 60, ils faisaient ça à la jumelle devant les maisons. Hein, donc, ça a toujours existé. J'avais oublié le passage à Skyblog qui était en parallèle. Hein, il y avait aussi les Skyblogs. Et du coup, donc, voilà, tout le monde avait un Facebook, sauf mon crush qui était dans ma classe au collège. Le nom, s'il te plaît? Ah, je vais pas dire le nom après. Ah, le ok. Ah, non. Est-ce que tu l'as mis Facebook? C'est ouf ou quoi? Tu l'as tenté, j'ai tenté. J'ai plus ton ami Facebook. Oh, bah alors, tu peux le dire, vas-y. T'es ouf ou quoi? On va l'appeler, tiens, il y a marqué Bob ici. Bob, c'est très bien. Ok, bah ce sera Bob. Donc, on va l'appeler Bob, ok? Et Bob n'avait pas Facebook. Donc, je me suis dit, merde, fais chier, moi je vais le stalker, etc. Et on avait cours ensemble le vendredi. Du coup, en quoi je fais, tiens, toi, t'as pas Facebook? L'air de rien, c'est hyper crédible. Et il me fait, bah non, écoute, je sais pas trop si je veux inscrire. Je fais, mais si, vas-y, il y a tout le monde, il y a tout le collège, tout le monde a Facebook et tout. Vrai. Et le soir même, ça n'a pas loupé, il s'inscrit. Il me demande en ami et tout. Moi, j'étais genre, time to shine. Je vais faire. Il y a Beyoncé dans ta tête, genre, ah, ok. Vraiment, tu vois. Je dis, ok, ok. Bon, il met des petites photos et tout. Je me fais, bon, c'est cool et tout. Il demande tout le monde en ami. Je fais, c'est le moment de poster une petite photo. Donc du coup, ça part en shooting. On connaît les shootings devant le miroir avec l'appareil et le flash qui se met sur le reflet de la salle de bain et qui donne une photo dégueu. On adore. Et je faisais vraiment de la peine quand je revois. Non, c'est trop mignon. Non, mais, en vrai, voilà. On voyage et, dans le temps, là. Nous, on a 30 ans, si tu veux. Nous, on a un œil. Voilà, c'est pour nous, c'est on n'avait pas les appareils photo. Antoine avait déjà deux gosses. Hein, donc, si tu veux. Moi, j'avais, ma petite, elle faisait comme toi à l'époque. Hein. Non, mais bref, du coup, on tape le shooting photo dans la salle de bain, tranquillou et tout. Là, je me dis, bon, allez, on va poster une petite photo. Vient le moment où il faut mettre la légende. Donc, la plupart des gens mettaient des citations. Oh, j'ai trop hâte. Tout le monde mettait des citations. Et moi, je me suis dit, oh, je vais pas mettre ça et tout. Mettons plutôt ce que je vais faire. Et en fait, il faut savoir que j'ai vécu toute seule à partir de 14 ans. Enfin, d'accord. Toute seule, entre guillemets. Ma mère était très peu là. Et du coup, en fait, j'avais une réputation au collège de, ouah, elle fait ce qu'elle veut. Elle a un narguilé dans sa chambre. Ouais, voilà. Elle a un narguilé, elle sort quand elle veut. Elle venait fumer à la maison. Non, mais je ramenais toujours des potes chez moi. Donc, du coup, enfin. Je pouvais me permettre de poster des photos et faire « Ouais, je vais en soirée. » Ce que j'ai fait. Du coup, j'ai posté la photo en mode « Petite photo avant d'aller en soirée. » La légende est très importante. Est-ce que t'allais vraiment en soirée à ce moment-là? Pas du tout. Ah, j'allais vraiment, j'allais glander sur mon canapé toute la soirée. Ah oui, d'accord, putain. Et du coup, genre, j'avais juste mis en mode genre « Ok, on va faire genre et tout, on va en soirée et tout. » Donc, je poste la petite photo. Enfin, j'upload toutes les photos de l'appareil. Je choisis la meilleure et tout, machin. Je la mets sur Facebook. Je mets la petite légende, je fais publier. Sauf que j'ai fait une grosse connerie dans l'upload, ce qui fait que j'avais pris 50 photos, les 50 se sont postées. Ça a créé un album. Ça a créé un album photo qui s'appelait Petite photo avant d'aller en soirée. Petite photo avant d'aller en soirée. Et il y en avait 50, du coup. Dans 30 tenues. C'est tu très vois dur de raconter cette anecdote derrière. Quand tu les mates vite, ça fait un dessin animé. Ouais. Ça... Tu vois l'ombre se déplacer le long du mur. C'est horrible de raconter cette anecdote, sérieusement. Enfin, c'est drôle. Et du coup, ça a créé un album photo qui s'appelait Petite Photo. Est-ce que tu l'as encore, cet album? Mais non. Oh, putain, t'aurais dû le garder. Je l'ai supprimé dans la seconde. Ah. Et ça l'a posté. Donc, quand j'ai vu votre album a été publié, parce que ça mettait du temps à l'époque. Oui. Bah, oui, il y avait oui. un temps d'upload. Oui. Et du coup, en attendant, j'avais fait genre... Bon voilà, c'est dans la boîte et tout. Mon plan se déroule. Bob, il va aller liker ça. En plus, elle vit toute seule, je fais. Bon, maintenant, je vais me faire un petit bourguignon. Un petit narguilé en attendant que je me Je me claque un banc de pomme et après, je me fais un bourguignon. Après, la direction fête de l'humain. Enfin bref, et du coup, juste je poste ça, j'attends. Là, je reçois la notif comme quoi c'est posté et tout. Et là, je vois votre album photo a bien été publié. Je fais quel album de quoi il parle là. Et je clique, et je vois, déjà le nom de l'album me tuera toujours. Et vraiment, les 50 mêmes photos. Oui. Parce que tu prends toujours les mêmes, tu vois, tu restes comme ça. Oui, enfin, c'est ça, ouais. Tu changes pas grand chose, oui, tu vois. Genre, putain, et du coup, vraiment, les 50 mêmes, ouais. Alors que le petit est au singulier. Et j'ai tout supprimé en. Oui, ça va, Bob n'a rien vu, rassure-moi. De la lumière, Bob n'a rien vu. Okay. Enfin, ou alors il me l'a jamais dit, mais Bob n'a rien vu. Il a eu la courtoisie de ne pas lui dire. Et vraiment. Est-ce qu'il s'est passé un truc après avec ce garçon? Oui, mais plus tard, pas en troisième. Et il y a eu histoire. Oui. Oh, il y a eu histoire. Elle a chopé Bob. J'ai chopé Elle Bob. Elle a chopé Bob. Antoine, est-ce que tu peux nous raconter ton anecdote, s'il te plaît? Alors, on passe de la troisième à la seconde. En 73. Donc, ouais, c'est ce que je sais que Mitterrand venait d'arriver au pouvoir en 81. Le deuxième Star Wars sortait au cinéma. C'est les débuts de la guerre du Golfe. Je m'en souviens parce que c'était au programme à l'époque. Non, je pense que ouais. Du coup, j'ai 14 ans. D'accord. J'ai toujours des bagues, parce que j'ai dû avoir des bagues très longtemps dans toutes mes histoires. Et des lunettes énormes. Là, j'ai toujours les mêmes lunettes. Et c'était ma période snowboarder. Je ne sais pas si vous voyez ça, où tu sais, on avait des blousons bien sûr. Très longs de snowboarder. Tu parles de la marque DDP, j'ai l'impression. Oui, DDP ou Oxbow. Cannabich. On les connaît. Et donc là, moi, j'avais une espèce de grand manteau de snowboard plein été, puisque c'était vraiment entre la troisième et la seconde. Et en fait, mon père, il n'a pas fait d'études. Et donc, c'était très important que je fasse des cours particuliers. Parce D'accord. que sinon, j'allais rater l'école. Et donc, il m'avait inscrit à un truc à la Motte Piquet Grenelle. D'accord. Qui était des espèces de pré-académia dirigé par un Tunisien qui avait un téléphone portable à sa ceinture. C'est la première fois que j'en ai vu un de ma vie. C'est assez impressionnant quand tu le vois. Et lui, comme le docteur Guigui, il venait gueuler sur tout le monde. Et en gros, c'était tous les jours de la semaine, une semaine, comme ça, en plein milieu de l'été. Le truc qui fait vraiment chier. Je pense qu'il y a pire que la colo, il y a ça. Quoi. C'est-à-dire que tu dois aller à Pic à Grenade. Les camps de concentration, c'était... ouais, non, c'est vrai. C'était pas ouf, ouf. Oui, c'est pas clair, je pense. Si on fait un top topito, ouais, effectivement, ça, c'est un peu au-dessus. Oui, mais moi, je parlais en France. C'est pas mon gars. Et en fait, évidemment, donc c'est, va se recréer le même phénomène qu'une colonie. C'est-à-dire qu'on est tous de niveaux différents. Il y a des gens d'âge différents. Il y a un mec de 17 ans qui a le crâne rasé, qui lui doit certainement fumer des ouinges, etc. Et moi, j'ai 14 ans, mais vraiment bisu premier, quoi. Et il y a d'autres gens qui sont même plus jeunes que moi, plus vieux, etc. Mais le mec de 17 ans, ah, il a envie de me faire chier, tu vois. Ah, bah oui. Donc, il me taquine vite fait, etc. Mais je savais, enfin, j'avais un verbe déjà à l'époque. J'avais créé un mécanisme de défense par la parole. Cette plume que tout le web connaît aujourd'hui. Et donc là, j'avais vraiment, j'étais acerbe, j'étais aiguisé, quoi. Et un jour, il me dit, vraiment, je pense, extrêmement gratuitement, T'es moche. On dirait Crash Bandicoot Racer. Alors il y avait Crash Bandicoot et moi j'ai la rigidité de dire que c'est moche. non et en fait il me dit ouais non mais toi t'as d'énormes lunettes, c'est trop chum. Mais vraiment, toujours pas ouf, hein, vraiment, dans la recherche de la c'est pas, c'est jamais vraiment insultant. C'était pas très bon, tu vois. Et vraiment, à l'époque, enfin, aujourd'hui, je me dis, putain, franchement, j'exagérais de pas pouvoir lui répondre au tac au tac. C'était pas dingue. C'est pas fou, quoi. Et on est assez loin de 8 Mile, effectivement, en termes de clash. Je me souviens que, et en fait, cette histoire, elle est en deux temps parce que je prends ça dans la gueule, tu vois, et je dis rien. Genre vraiment, déjà, je l'essuie, ça fait mal, etc. Je pense que des gens rigolent, etc. Et bon. Et là, toute la journée qui va suivre, enfin, je veux dire, le soir, je vais penser à ce qu'il venait de me dire et je vais essayer de trouver une réponse. Tac. Alors, ne jamais faire ça. Mais oui, t'as l'air d'un gros coup, en fait. Ne jamais faire ça. Et en gros, j'ai trouvé une idée pas mal. C'est qu'en gros, j'ai prévu de lui dire le lendemain, face to face, je le regarde et je lui dis, ouais, moi, mes lunettes, je peux les enlever. Toi, ta gueule de con, tu peux pas l'enlever. Ah, ce qui est pas mal. J'ai prévu ça. Qui est pas mal. Alors, je travaille mon truc. Mais il faut avoir l'occasion, en fait, qu'il te refasse une vanne dessus, non, en non, fait. Non, parce que je suis allé le chercher. Grosse erreur. Le lendemain, je retourne au truc, dans le cours et tout, avant que le cours commence, je me retourne vers lui, je fais, tu sais, hier. Très bon début. Mec, en fait, j'ai repensé à un truc. Il a répondu non, fin du clash. Je comprends pas comment le Tunisien n'a pas pu me proposer de faire du stand-up, tu vois. Parce que vraiment, c'était au tac, je me retourne et je lui dis, tu sais, hier, t'as dit que j'avais l'air d'un bigleux avec mes lunettes. Bah moi, mes lunettes, je peux les enlever. Toi, ta gueule de con, tu peux pas les enlever. Et il me regarde, il fait, ouais, mais t'as aussi une gueule de con. Oh non! Là, tu lui as dit, bouge pas, je reviens dans 3 jours. Et c'est contre Kems, mon gars. Non, mais grave. Au tac, et facile. C'est comme t'es moche, c'est la même chose. Il m'a renvoyé, il m'a fait un miroir. Faut dire que ta vanne n'était pas si ouf non plus. Attends, il y a 2 secondes, tu disais que c'était pas mal. Disons que t'as lobé, et là, il a smashé directement. Lui, voilà. Et vraiment, celui-là, c'est les deux, vraiment, je me souviens du retour de bâton instantané. Ça fait mal. Et celui-là, c'est vraiment le instant douleur, quoi. Tu fais genre, vache. Ah ouais, là, non, je vais pas arriver à... Non. Voilà, c'est bon. T'as gagné. 2-0. T'as pris des sacrés clashs. 2-1, 2-0. Allez, t'as parfaitement 2-0. Gagné. Eh bien, pour terminer ce thème que nous avons abordé depuis maintenant plus d'une heure, je crois, à peu près, je vous propose un petit truc un peu rigolo. J'ai remis la main sur mon premier court-métrage que j'ai fait quand j'avais à peu près 15 ans. Je suis descendu en Bourgogne avec mon amoureuse que j'embrasse très fort. Gros bisous. Pareil, on lui fait des gros bisous. Et donc... son prénom, pas parce que... Bien sûr, elle s'intitule Clara. Clara. Tout simplement. Bah, la bise, Clara. La bise à Clara, elle n'écoute pas du tout cette émission. donc oui, j'ai remis la main sur mon premier court-métrage et je pense que c'est un peu intéressant de l'écouter parce que c'est pas dingue. Alors attendez, je vais vous faire écouter quelques extraits. On va pas se taper tout le bordel. Mais tu vas nous montrer les images. Non, il n'y aura pas d'images. Ce sera extrêmement sonore. Une remise en contexte. Est-ce que alors, de temps c'était semble que c'est un film d'horreur, non? C'est un film d'horreur. Oh. D'accord. J'étais fan de films d'horreur à l'époque. J'adorais le film The Devil's Reject parce que c'est encore une fois, je l'ai fait assez vieux, hein, ce court métrage. J'étais pas Rob Zombie. Je rote en parlant, excusez-moi. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je ne me moquerai jamais des petits youtubeurs qui ont 11 ans et qui font des vidéos, parce que vraiment, si j'avais mis cette... J'en ai fait mon métier. Ouais, non, mais... Je veux dire, mais moi, en tout cas, j'ai fait... un expert, quand même. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait des trucs, si ça avait été en ligne, clairement, je n'aurais jamais rejoint Golden Moustache ou Studio Bagel, c'est sûr et certain. Donc, c'est un film d'horreur, avec un peu des passages de comédie. Et voilà, on va s'écouter ça, vous allez voir. La qualité est assez moindre. Allô ? C'est moi, ça va ? Oui, toi ? Ça va. Dis, tu fais quoi ce soir ? J'avais prévu d'aller au cinéma, mais tu voulais peut-être qu'on se voit ? Ouais, j'avais pensé qu'on aurait pu aller à la cascade. Oui, pourquoi pas ? Yes, I. On se rejoint vers quelle heure ? Vers 18h, ça t'irait ? Ah, oui. Attends, c'est un bon diable. Évidemment. Vers 18h. Attends. En plus, je pensais que la cascade. Il rush de chez rush, on va être noyé. Autant y aller maintenant. Conversation typique entre deux personnes. Entre deux femmes. Tu vois, j'imaginais comment parlaient les femmes à l'époque. Je suis jaloux parce que tu connaissais deux concepts. Ce qui est pas mal. Donc. Tu pensais à Aaron Sorkin, mec. Ouais. C'est ouf, parce que il a tout pompé, hein. Il a tout pompé. Donc. Mais c'est du Wes Craven. C'est le début. Là, c'est le début du film. T'avais fait un chant contre chant parce que nous on voit pas les images, mais là c'est un. Non. Oh là. Déjà, concentrons-nous sur le sonore déjà. Tu vois, c'est ouf. Et donc du coup, c'est deux amis qui sont donc amis. Déjà, toujours mes talents de scénariste. Et là, l'une propose à l'autre d'aller à la cascade. Les activités que vous faites, les femmes, Luciole. Tout le temps. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Et Luciole a d'ailleurs dit yes, I. Mais c'est un secret que les femmes en gardent. Du coup, je vais pas. Oui, sauf que moi, à l'époque, j'étais assez. Voilà, j'étais en L. Assez observateur. J'étais un peu observateur. C'est un peu. La cascade. Ça, c'est notre secret. Je pense que tu vas crever, mec. Tu vas te faire tuer. Donc, ces deux femmes, on présente ces deux personnages féminins, mais ce ne sont pas les seuls protagonistes de cette histoire. Oh. J'espère de venir chez toi. T'as tout ce qu'il faut ? Ah, pardon, attendez. On dirait vraiment un porn, mec. Ouais, non, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette ligne de basse années 90 ? On dirait vraiment un porn, mon gars. Pardon, je suis encore avec les deux meufs. Donc, les deux meufs sont sur le point d'aller à la cascade. Elles se sont retrouvées. Ouais. Bien qu'il soit bientôt 18h. Là, il doit être 17h30, quelque chose comme ça. Et elles croisent un nouveau protagoniste qui s'appelle Émile. Serviette, eau oxygénée, appareil photo. De l'eau oxygénée ? Oui, je me souviens de la dernière fois. Attends, c'était bénéfique cette blessure. Bénéfique ? On m'a appelé grand corps malade pendant 2 mois. Oui, mais t'as vaincu les morceaux des autres. Ah oui, mais cette fois, j'escalade pas là-haut, moi. Pas envie de m'écraser 12 mètres plus bas pour... Alors, cette charme, elle n'était pas comédienne, hein. Je sais pas si. Alors, défense, c'est sûrement les pires dialogues que j'avais écrits, donc même tu les files à Mario Cotillard. Elle était pas aidée, effectivement. Ouais. Hein, je pense que tu mets Léa Seydoux et Mario Cotillard, ça reste de la merde. Mais de l'oxygéné. Ah, voilà. Bah écoute, la dernière fois, je ressemble à Grand Corps Malade. Voilà, bah oui, elle s'était blessée, du coup, on l'appelait Grand Corps Malade. Non, mais vous êtes des mecs, vous pouvez pas comprendre, les filles. Toujours de l'oxygéné quand on voit la cascade. Bah, c'est un basique de chez Basique. Et donc, pardon, et donc du coup, elles vont rencontrer l'excellent Émile. Ah. Vous êtes déjà vu, non ? Non, t'embête pas, j'ai un copain. Guillaume Canet, toi ? Moi, j'ai du goût. Bon, bah, je voyais. Oh, pardon, mais ça, c'est punchline. Oh, hein. Mon gars. En fait, punchline. Excusez-moi. Sans le temps de bloquer derrière ça. Là, pardon. Ça, c'est un truc qu'on aurait pu dire quand j'avais mes lunettes. C'est la meuf de Crash Bandicoot, ouais. Tu vois, c'est elle. Il écrivait aussi les punchlines de Jessica. Stéphanie bossait avec Flaubert à l'époque sur les scénars. Ouais. Ah, bah. Tu vois, ça, c'est typiquement un truc que j'aurais dit à un connard devant une PlayStation. C'est du goût. Donc on présente Émile, qui est un harceleur de rue, hein. Clairement. Balance ton porc. Parce que moi j'ai pas, enfin comme moi j'avais pas la scène. Bien sûr. Je me suis dit, elles sont quand même vachement sur la défensive. Donc il est très intrusif. Oui, un petit peu. Oui, en gros, le mec il arrive, il dit salut les filles, j'ai un copain, ouais. Moi j'ai du goût. Bah, pardon. Merci, salut les filles. Désolé, je savais pas qu'on était en terrasse à Paris. Donc, Surtout qu'elles sont vraiment sur un vieux chemin en Bourgogne, voilà, parce où tu que peux je... très facilement croiser un Émile de toute façon. Dans un autre. Et en fait, elles sont assises sur un banc et là, il va carrément s'asseoir à côté d'elles. Donc, on peut imaginer c'était pas très sympa. Donc, Émile est présent. Là, j'ai un fichier question qui s'appelle relation. Je n'ai plus aucun souvenir à quoi ça correspond. Il est bien ton bouquin ? Autant que les autres que j'ai étudiés cette année. Si nul que ça, t'as retenu quoi ? Bah, c'est un mec qui se tape plein de nanas. Tu fais quoi, là ? Là, elle lance le livre. Mais, tu te fous de ce bouquin. Le lire, c'est une punition, alors lis pas ça. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Je t'ai rendu service. J'aime pas te faire du mal avec ces conneries. Ces conneries, j'en ai besoin pour le bac, je te rappelle. Oh, excuse-moi, Poulette. Vu que je t'aime beaucoup, je voulais t'aider. Je sais. C'est ça qui te manque. Un peu de folie. Une montée d'adrénaline, des fois. Ah, ouais, les femmes. Excusez-moi, mais là, les femmes. Pardon, hein, là, mais je vous ai recopié à l'identique. Non, mais, excusez-moi. Non, mais c'est écrit par une femme. Là, on passe. Il a su capter tout ce truc de chaud-froid des femmes. C'est Emmanuel, c'est du Emmanuel Berthaud. Totalement. Hein. Totalement. C'est du... Non, mais tu vois et tout. C'est bon, tu m'as saoulé. Ok, ouais, Poulette, désolé, je me suis emporté. Waouh, là, c'est du. Je trouve c'est... que tu mets un peu trop d'intention dans ta voix. C'est la cascade qui nous rendait comme ça. Et en plus, les meufs, on n'aime pas les livres, on n'aime pas l'avenir. Mec, t'as tout bien retranscrit, quoi. Genre, c'est ouf. Alors, non, mais voilà. C'est incroyable. Et en plus, c'est très moderne parce que, ouais, c'est un mec qui se tape plein de meufs. Ça, je parlais de Bel Ami, sachez, dans ce livre. Ça lance le livre de Bel Ami. Ah. D'accord. Et d'ailleurs, ça, pour le coup, c'est plutôt un truc pour les techos, hein, pour, pour les geeks du son. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que le bruit de moto est plus fort que le son de la voix. Oui, bien sûr. Et généralement, on refait une prise. Hein. Sachez que ça a été vraiment genre. Non, mais c'est tourné avec un appareil photo qui faisait évidemment le son également. Oui, bien sûr. Pourquoi ça fait un micro quand l'appareil photo fait déjà le son avec. J'imagine le mec qui dit ah les connards qui achètent un micro. Mec, à cet âge-là, je me disais ça, mec. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Ah, évidemment. Moi, et surtout même les caméras, parce que tu te dis les appareils photo enfin, filment. Il avait 23 ans quand même. Ouais. Non, non. Est-ce que t'as vraiment marqué dans ta ligne de texte oh je suis désolée Poulette. Oui, j'ai écrit ça. En fait, voilà, pour vous expliquer un peu. Ouais, tu les as trop bien servi. J'avais jamais parlé à une seule femme de ma vie. Alors déjà, il y a un peu de ça. Et surtout, je vais vous donner toute l'histoire à la fin parce qu'il y a un twist dans ma vie personnelle autour de. Moi, je suis prêt vraiment à tout. Parce que c'est vraiment passionnant, quoi. Ouais, c'est grave. Un exercice que. Et donc, du coup, oui, en gros, l'idée était de parler d'une fille qui pourrait s'amuser, mettre un peu de folie dans sa vie. Et son ami lui dit: mais enfin, meuf, vas-y, éclate-toi, t'es une meuf géniale, t'es super, vas-y, éclate-toi, la vie est belle. Gardez ça en tête. Ouais. Le film continue. Carpe diem. Hein. On reste sur la carpe diem. Très yolo. Hein. Le film continue, on découvre d'autres personnages intitulés Les Drogués. J'étais un peu fan de Quentin Tarantino, je vous le cache pas. J'avais découvert Kevin Smith il y a un an. Là, on peut dire qu'on n'est pas loin en termes de dialogue. Oh bah, tu tombes bien, toi. Pourquoi? Bah, c'est Tête de Neuf m'affirme que Chewbacca meurt dans Star Wars. T'as craqué, toi? Non, mais les gars, je vous promets qu'il meurt Chewie, c'est la tête de ma mère. Chewbacca, c'est le chihuahua géant. Punchline, directement. Ouais. J'ai pas c'est vrai que c'est Chewbacca, vraiment le mec qui essaie d'être Kevin Smith. C'est Chewbacca, c'est le chihuahua géant. Et hop là, punchline. Ah, par contre, c'est très Kevin Smith avec le petit rythme. Ah bah on essayait, on essayait. Discussion geek. Oh, ça fait, tu sais, ça fait longtemps que je plagie Kevin Smith. T'as fait du noir et blanc ou pas à ce moment-là? Oui, oui. Non, je te jure, c'est vrai en plus, c'est noir et blanc. En fait, j'avais voulu lire un petit délire. Les scènes de la vraie vie, enfin de la vraie vie. Mec, Emmanuel Berco, encore une fois. Hyper méta. Hein. My when. Yes, j'ai si peu de rêve. Quand c'était un petit peu, quand c'était un petit peu normal, c'était en noir et blanc. Et quand ça passait en film d'horreur, ça revenait en couleur. D'accord. Et à ce moment-là, c'était encore en noir et blanc. Bonne idée. Les drogués vont se faire agresser par le tueur du film. Je vous rappelle que c'est un film d'horreur, on l'a un peu oublié, on croit un peu que c'est un porno. Bah, non, c'est un film d'horreur. Ça part bien en porno hein, quand elle lit son bouquin en disant ouais, carpe diem, c'est un mec qui se tape plein de meufs. Le côté horreur arrive à grands pas. Éclate-toi, ma poule. Poulette. Moi j'ai hâte d'en faire. Tu fous là, toi? Bah, je vais avoir un bain, figure-toi. Je suis pas au plus con, Emile. Je me vais perdant. Je viens de payer, figure-toi. La seule façon de rembourser ce que tu me dois, c'est de vendre deux de tes poumons. Je vais pas pouvoir te payer tout de suite. Parle-moi. Non plus. C'est moi. Ah écoute, j'ai un argent de poche de 15 euros par mois et des connards qui mettent 3 ans à me payer. Je connais ça. Vini, c'est pas de ma faute, c'est eux. Alors oriente tes ventes sur des clients un peu moins lents. Sinon je ferai en sorte que t'aies autant dedans que de burn. Bon là c'est Michel Audia. Je ferai en sorte que t'aies autant dedans que de burn, pardon. En vrai cette punchline, elle vient vraiment de toi? Ah oui, bien sûr. Ah, bah, elle est pas si mal. C'est donc là le méchant. Ça, le film s'appelle Bar Tabac. Je vous l'ai même pas dit. Le film s'appelait Bar Tabac. Et donc le méchant, tu te rends compte que on lui doit de l'argent. Et du coup, il est un peu énervé parce que l'autre le rembourse pas. Moi, ce que j'aime bien après coup, c'est que j'ai essayé de faire Quentin Tarantino des films d'horreur, des dialogues un peu stylés et tout. Sauf qu'il y en a une qui dit. Bah attends, il y a le bac à la fin de l'année. Lui fait, bah j'ai mon argent de poche. On est quand même sur des problématiques. C'est vrai que quand tu dis ça au, enfin je veux dire au daron de la mafia, tu dis, attends, moi j'ai 15 euros d'argent de poche par mois. Et il y a trois connards qui veulent pas me payer. Attends, 15 euros d'argent de poche, des mecs qui te doivent de l'argent. Là, il y a plusieurs. Putain, et moi je dois y Bel Ami quoi. Ouais. T'inquiète Poulette. Ça. Et là, je sais que je te dois 10 briques Corleone. Mais là, je dois rejoindre ma copine à la cascade. Parce qu'il est pas encore 18h. Tu sais, en fait, ils ont des contraintes. Ça me fait penser à Véronica Mars. Ah, genre le méga méga dealer, il avait une méga moto, mais il était en terminale. Et tu allais dire, mais pourquoi tu continues d'aller en cours, mon gars? Tu t'en bats les couilles du bac. T'es déjà en train de dealer des milliards. Ses parents lui foutaient la pression. Tu sais pas, toi. Et donc, on arrive à la scène de meurtre. Et là, attention, ça va très très loin. Où est Émile? On l'a vu cet après-midi, je te jure. J'aimerais embrasser quand même le mixeur toi de ce projet, moi. Moi, ça me rappelle ta fiction audio. On y est, là. Sur des mêmes, là, j'ai pas l'image, j'ai vu ce qui s'est passé. On est complètement immergé. Donc oui, là, le tueur a tué tous les drogués. Tout le monde, là. Là, il a tué les trois mecs, peut-être ceux qui parlaient de Chewbacca un peu plus tôt. Ouais. Là, ils se sont fait assassiner. C'est étrange que sur de la comédie, t'es mis une musique en tapis. Et que là, sur l'horreur, t'es rien mis du tout. Rien mis. Ben, parce que je te dis, moi, je suis un mec brut. Et donc, on arrive à la fin du film, déjà. Ah. Et là, il va y avoir un twist un peu dingue. Je vais devoir te tuer, Laurie. Et oui. Quoi? Alors, wow. Parce que là, si vous n'avez pas toutes les infos, je comprends que ce soit confus. La dernière fois, elles se sont parlées. Pour moi, tout se passait bien à la cascade. Hein, c'était nickel. Hein. C'était ma boulette, il était 18h à la cascade. Ouais, vraiment, fais ce que tu veux de ta life. Meuf, tape-toi des mecs si t'as envie de te taper des mecs. Là, c'est pas simplement elle va le tuer, elle dit... Je dois te tuer. C'est genre vraiment, je suis désolé, mais je dois le faire. C'est un peu à contre-cœur. Ce bouquin va coûter 15 balles, donc je suis désolé. Mais il va falloir un peu à contre-cœur. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais en gros, fuck le tueur, il disparaît du film à ce moment-là. D'accord. Et la nana, donc la meilleure amie de Laurie, car elle s'appelait Laurie dans le film, doit la tuer. Et je vous laisse écouter pourquoi. Je vais devoir te tuer, Laurie. C'est quoi, t'es convaincant, je trouve. Oui, bien, hein. Je suis complètement d'accord avec ce que j'ai dit. Il y a moins d'accent bourguignon sur le quoi, c'est tout. Ah non, c'est quoi? Hey, t'es quoi? Je ne peux plus vivre avec toi, fallait trouver une solution. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Aurélie, t'es ma meilleure amie, comme ma sœur. C'est bien ça le problème, je t'aime plus qu'une sœur, plus qu'une amie. Je suis désolée, mais à chaque fois que je te vois avec un garçon, mon cœur saigne. Tu es magnifique. Très progressiste. Carpenter. Hein. Carpenter l'Asie. Carpenter au second. La poignardée, c'est un bruit de poignard. D'accord. Là, elle est en train de saigner. Ah, et ça finit sur du Jeff Buckley. Jeff Buckley. Alors, peut-être pour recontextualiser. Ah, mais c'est génial. Enfin, mec, c'est un film vachement progressiste. Une intrigue, un amour lesbien, la cascade. Enfin, je veux dire, c'est un combo de. Mais qu'en est-il de l'eau oxygénée? Alors, du coup, Laurie est morte en fait. Laurie meurt. Et alors, pour vous raconter la scène de fin, donc. Mais elle lui a même pas laissé le temps de répondre en mode bah, peut-être que moi aussi je peux t'aimer, on peut essayer, tu vois. Non, elle est pas très chaude en vérité dans mon scénario à la base. Voilà. Donc, Aurélie poignarde Laurie. Aurélie fait quelques pas et se met à vomir du sang et s'écroule également. Leur amour n'a pas survécu. Alors, pourquoi je vous fais écouter ça? Alors, déjà, parce que voilà, c'est drôle. C'est un chef-d'œuvre du cinéma. Et en fait. Il est disponible? Est-ce que des gens peuvent le voir? Non. Mais si vous voulez, je vous montrerai avec les images tout à l'heure. Si vous voulez. Peut-être qu'on se fera une progression. Pourquoi tu le postes pas sur YouTube? Parce qu'en fait, il y a des gens dedans. Ils ont vieilli depuis. Oui, mais justement, ils ont des métiers un peu plus, tu vois, ils ont des enfants, moi, ça me dérangerait pas, mais je joue pas dedans. Enfin, si, d'ailleurs, j'apparais. En guest Hitchcock. Je ne joue pas, je ne parle pas. Derrière la cascade. Non, je joue la cascade. Non, mais donc du coup, il y a des gens dedans et je pense qu'ils seraient pas très amusés de se voir à 15 ans faire un rôle lesbien. Enfin bon, bref. Faudrait que je leur demande en vrai. Hein, j'ai pas demandé, mais bon. Franchement, voilà. Moi, je trouve que c'est un bel objet, quoi. C'est un objet surtout, assez rigolo. Surtout, c'est intéressant toujours de voir l'évolution. Oui. Non, mais là, surtout qu'on sent. On voit la que volonté tant amélioré que ça. Il avait déjà un peu cette idée là, lesbien, c'était toujours Non mais pourquoi ce qui est assez rigolo, c'est que la Laurie en l'occurrence était jouée par une comédienne dont j'étais très une lycéenne dont j'étais très amoureux, mais elle ne le savait pas et je pense qu'elle l'a jamais su. Laurie, donc c'est celle qui meurt, celle qui se fait poignarder. Quoi d'ailleurs, c'est la plus belle réplique que je fais. Oui, je suis d'accord, c'est pas mal. C'est le quoi, ma pas trio trip non plus. Mais il t'a pris la jugulaire quoi, tout au plus. Et le discours que fait Aurélie, donc celle qui l'assassine, est un truc que j'aurais, je pense, aimé lui dire après coup, parce que elle est avec des gars et moi j'étais pas heureux de l'avoir avec des gars et en plus elle était très scolaire, très stricte alors que elle aurait dû s'amuser et ne pas être la tête dans les bouquins. Donc, est-ce que c'est pas la plus belle préparation paiement dans un podcast parce que c'est ce qu'on disait sur Jim Carrey juste avant. C'est beau. Mais c'est vrai. Ben voilà, j'ai voulu, je pense, déclarer mon amour à cette meuf via un film d'une assez piètre qualité, mais voilà, qui avait cette volonté. Elle n'a évidemment pas du tout compris ça et elle est sortie avec pléthore de footeux avec après ça. C'était Kevin qui avait des mobs et ouais, voilà, qui faisait du foot et j'étais complètement game over. Et voilà, et à la base, c'était, enfin, ça avait une volonté, comment dire, c'était pas fait pour ça, je pense, mais c'était très présent. Et du coup, ça prouve que même dans vos œuvres les plus nulles à chier, il y a forcément un peu de vous, parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre dedans, je pense. Et donc, voilà, c'était mon premier court-métrage c'est que je voulais partager. C'est bien qu'on l'applaudisse. Ouais. Ah, c'est gentil. Mais ça n'explique toujours pas l'oxygéné, vraiment, je vais rester dessus. Parce qu'elle se blessait, et donc l'oxygéné, pour moi, c'était, je pense, pour dire, voilà, si on se reblesse, on pourra se mettre de l'oxygéné sur la blessure et ainsi guérir. D'accord. C'est dangereux, la cascade. Oui. Alors, après 18h, faut pas y aller. Ah, d'autant que c'était la cascade de Briscou, d'Autun. Ah, donc, autant vous dire qu'elle était... Ah, bon, elle était assez... Allez, c'est joli. Hein. Donc, voilà, bah, écoutez, je pense que c'est la fin de cette partie du podcast. Nous allons pouvoir passer à la troisième partie, avant-dernière partie, le Curioscat. Alors, le Curioscat, c'est quoi ? C'est un site qui était un peu à la mode, fut un temps, beaucoup moins maintenant, mais je l'aime bien parce que ça vous permet de poser des questions à nos invités. Quelques jours avant le podcast, enfin souvent la veille d'ailleurs, je poste le lien et je vous annonce les invités, je poste le lien du podcast, du Curioscat, et vous pouvez poser les questions que vous voulez à nos invités. J'aime bien parce que ça évite de polluer votre Twitter, de polluer ma boîte mail. Et comme ça, et en plus, c'est anonyme. Donc, vous pouvez poser les... méchant. Être méchant gratuitement parce que c'est aussi ça, Internet. On adore. Donc, plein de questions pour les deux Antoine, pour Luciole. Je commence avec Antoine Daniel. Oui. Est-ce qu'Antoine Daniel est satisfait des retours sur Clyde Vanilla? Personnellement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça stylé. C'est gentil. Y aura-t-il une saison 2 ? Oula, c'est une vaste question. J'étais satisfait, oui et non, on va dire. Ça a été assez dur au début au niveau des retours. Pour resituer, Clavinia, c'était fiction audio. C'est ma fiction audio, c'est ça, qui est sorti récemment. Et qui est, la saison est terminée. Et qui est toujours disponible. Est toujours disponible un peu partout, sur ma chaîne YouTube, sur Spotify, sur Deezer et un peu partout ailleurs. Et du coup, ouais, ça a été les retours assez durs, mais je pense que je paye le fait que je suis quelqu'un qui est assez absent. Et du coup, quand je reviens, il faut pas qu'il y ait la moindre erreur. J'ai l'impression que dans la tête des gens, du coup, dès qu'il y a le moindre petit truc de travers, c'est un peu chaud. Après, en termes d'audience, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit un truc de ouf, donc pas trop de surprises à ce niveau-là. Mais globalement, c'est assez cool parce qu'il y a quand même, pas mal de gens qui sont restés jusqu'au bout. On se rend pas compte. En fait, on compare beaucoup à ça à des audiences en fait de vidéos YouTube, mais sauf que c'est pas vraiment des vidéos YouTube. C'est presque pas comparable, voilà, en c'est vrai. Ça. Et surtout dans le milieu de la fiction audio, en fait, c'est un énorme succès en fait. Et du coup, moi, je suis assez satisfait du truc. Et pour ce qui est d'une saison 2, je vais pas mentir. Normalement, c'est fait pour, mais c'est pas du tout. Rentable financièrement. D'accord. C'est-à-dire que j'ai perdu de l'argent en fait en faisant ce truc-là et du coup j'en ai gagné moins que j'en ai dépensé. Et du coup, à moins que il y ait moyen de la faire produire ou je sais pas, pour l'instant c'est vraiment en stand-by quoi. D'accord. Et je préfère me concentrer sur le truc, mais c'est vrai qu'à l'avenir pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Une question pour l'autre Antoine. L'équipe je suis fan de 2 heures de perdu, déjà c'est dit. Quel regard portez-vous sur cette aventure commune avec tes amis, avec parce que tu n'es pas tout seul dans 2 heures de perdu, on peut les citer. Non. Il y a Mickaël. Ouais. Les autres, je crois qu'il y a 2 meufs. il y a Julie, Sarah, Greg et Barbara. Voilà. Qui vient plus souvent. Et donc, quel regard portes-tu sur cette aventure commune depuis le début ? Y aura-t-il d'autres crossovers ? Bah, c'est une véritable success story. C'est impossible de ne pas se retourner vers le passé en se disant qu'on a fait quelque chose de grandiose. Non, je sais pas, elle est surprenante cette question. C'est un peu... non, on est content. Parce ça cartonne de ouf, on peut le dire. Enfin, en termes de podcast, c'est quand même assez vu, assez écouté. À l'échelle d'un podcast, ça marche bien. Ouais. Ça marche très bien même à l'échelle d'un podcast audio, ce qui est d'ailleurs dérisoire à côté d'une vidéo YouTube. Hein. Oui, oui, bien sûr. Je pense que vraiment, même un clip d'un petit rappeur obscur, ça nous explose, ça nous atomise. Mais on a une bonne communauté. Et c'est vrai que... c'est un peu particulier, mais nous, à la base, on vient pas du tout. Enfin, moi, je viens un peu d'Internet, mais pas Twitter, pas. En fait, ouais. pas de communauté, rien. Et donc, on a créé ce truc-là et il a vraiment vivoté pendant assez longtemps, parce que pendant un an, on le fait vraiment dans un anonymat total. Et puis, non, on continue de le faire. On le fait quand même une fois par semaine. Ouais, ouais, oui, oui. Depuis 3 ans. Oui, vous tenez vraiment le rythme, quoi. Donc, il y a un rythme à tenir. Et des fois, à contre-cœur, c'est-à-dire que ça arrive quand même, pas souvent, mais ça arrive de faire une émission, se dire. Voilà, elle est bien en dessous ouais. de ce que j'aimerais qu'elle soit ou ce qu'on aimerait qu'elle soit et ça fait chier de devoir tu vois poster un truc en me disant putain c'est pas bon quoi c'est pas bon mais on le fait quand même parce que je préfère respecter ce truc de s'imposer un rythme de production parce que au moins tu t'améliores et puis voilà bah tant pis c'est pas bon et puis les gens ils se disent pas parce que sinon après tu tombes dans le piège du vas-y je vais retravailler vas-y je vais refaire vas-y je vais remonter vas-y ouais. si je poste pas c'est moins bon et puis du coup tu. Donc là, on s'impose, voilà, le rythme un par semaine. Ouais. Et voilà. D'accord. C'était pas du tout la question. Non, non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien d'en parler. Moi, je trouve ça chouette. J'ai une question pour Luciole. Oui. Luciole, en quoi consiste, en vérité, le métier de CM ? Voilà, les gens se posent la question. Ah. Peux-tu nous raconter un peu une journée type pour Luciole en tant que CM ? Une journée type, je vais raconter ma journée d'aujourd'hui, par exemple. Vas-y. Donc, il y a un peu de tout, surtout sur Golden, qui est un média web, parce que le CM n'est pas forcément pareil dans toutes les boîtes. Sur Golden Moustache, ça joue essentiellement sur des vannes. Tu te lèves à quelle heure? Attends, parce que c'est pas du tout. Je me lève à 8h. Je me lève 8h. À 8h. Et je pars du travail. Bah, là, je suis arrivée un peu juste, mais je pars du travail vers 19h à peu près. Et en gros, je fais, on va dire, une blague par jour. C'est vraiment le scénar. Donc, je fais un contenu sur Facebook. Qui est le jeu, dans l'endroit où on a le plus de monde. D'accord. T'as le chiffre ou pas, à peu près, d'ailleurs? Sur Facebook, on est quasiment 3 millions, comme sur YouTube mal. Au final, sauf que c'est pas pareil. Oui, c'est pas Facebook, le même public. Voilà, Facebook, on a une interaction, on a des gens qui sont très, très second degré. Et même l'humour n'est pas exactement le même, en vérité. Pas du tout. C'est ça qu'on a eu beaucoup de mal au début avec Golden Moustache. Ouais. Moi, je n'y suis plus aujourd'hui, mais quand j'y étais, on essayait d'essayer. Pas mal. Ouais. On essayait de créer une corrélation entre les réseaux sociaux et le YouTube. Et en fait, ouais. très, très vite, le Facebook et le Twitter sont devenus autre chose. Ah, on a un public complètement différent ouais, en fonction des réseaux. Ça, j'ai mis un peu de temps à le cerner. Ouais. Non, puis on a beaucoup essayé de les faire se rencontrer. Et c'est parfois, ça marche rarement. Quoi. Ouais. C'est déjà, il y a une différence d'âge. Il ne faut pas oublier que sur, par exemple, Instagram, il n'y a pas de limite d'âge. Il ouais. y a beaucoup de gens qui ont 9, 10 ans. Ouais. Snapchat, c'est à partir de 14 ans. Donc, on a... C'est un peu différent. Et Facebook, là, c'est vraiment le grand truc. Et en fait, les gens sur Facebook, ils apprécient le second degré. Ouais. Si je poste une photo de coton-tige en disant « Ouah, lol », ils adorent. Vraiment. D'accord. Okay. Alors que si je me dis « Ouah, j'ai fait un truc un peu stylé et tout, machin, un petit visuel », mouais. Ils sont vraiment, ils sont perchés de ouf sur le Facebook. Et c'est marrant parce qu'on peut s'éclater vraiment. Donc, ouais, ma journée type, c'est ça. Donc, déjà, de réfléchir. Ouais. Aujourd'hui, du coup, j'ai posté un truc sur le Facebook. Donc, c'est soit une petite vidéo, soit un visuel, quelque chose. Après, je vais poster une photo sur Instagram. Je vais faire ceci, je vais faire cela. T'essaies de coller à l'actu ou même pas spécialement? En général, oui. Mais voilà, c'est ça. Ça hein. colle un petit peu à l'actu. Il y a aussi les brands. Donc, dès qu'on va avoir des partenariats, ouais. on en a eu avec Star Wars. Donc, j'ai passé ma journée à faire un storyboard pour une story Snapchat Star D'accord. Wars. Et je me suis bien amusée parce que voilà, j'adore dessiner, donc c'est cool. Parfait. Et à côté de ça, on va avoir aussi le lien avec tous les talents. Il faut savoir que je suis CM depuis un an, et ça fait plus de 2 ans que je suis chez Golden, donc ça m'a permis. Oui, t'étais au lab au tout début. Voilà. Et voilà. J'étais au lab, donc j'ai pu connaître à peu près tout le monde. Quand l'ancienne CM est partie, ils avaient besoin d'une nouvelle personne. Ils sont venus me voir en disant bon, voilà, on sait que tu gères à peu près les réseaux sociaux, est-ce que ça te dirait? Tu fais du repérage de meufs sur les réseaux. T'es un peu millennials, donc. Ouais. Non, moi, ça m'a éclaté. Et du coup, je m'amuse beaucoup en tant que CM. Donc oui, ça consiste vraiment à s'adapter aux médias qu'on gère. Parfait. Antoine, une question. Que sont devenus ou où sont passées les saisons 1 et 2 de 2 heures de perdu? Est-ce que tu peux nous répondre ou je coupe cette question au montage? Non, je vais répondre et après, je te dirai si on les coupe. D'accord, ok, pas de souci. Voilà. Non, je vais répondre officiellement. On les a enlevés. Hier, pour plein de raisons. La première, c'est que déjà, on n'est pas fiers. D'accord. Dans le sens où c'est vraiment nettement moins bon. C'est pas que c'est bon aujourd'hui, mais en tout cas, ça l'est quand même nettement moins. Ouais, ok. il y a pas de rythme, le son est pas fou, tu vois, c'est, je sais pas, enfin voilà, on n'est pas très fiers. On a aussi changé un peu de ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'au début on trashait beaucoup, ouais, et on trashait beaucoup même des acteurs. Enfin, en fait, on trashait un peu personnellement en disant ouais, enfin je veux dire Luc Besson, c'est vraiment beauf, etc. Ouais. Et maintenant, on dit plus ce que fait Luc Besson, c'est nul. Oui, oui, d'accord. Et on s'attaque plus à la personne. Et, ouais. C'est quand même deux choses qui sont fondamentalement différentes. Ah ouais, complètement, complètement. Et bah, ça rejoint même un peu Antoine avec What the Cut, à une, ce qui était devenu. Voilà. Clairement, ça évolue dans ce sens-là. Et ouais. Même si, tu vois, en plus, ça ne va rien changer parce que les blagues que tu vas faire seront sensiblement les mêmes et ton avis transparaît de la même manière. C'est juste que c'est moins vénère. Ouais. Et en fait, la vraie raison pour laquelle on l'a fait là, c'est parce que. Cette raison-là. Enfin, oula, c'est pas clair, ça, tu feras un petit cut. Oui, t'inquiète. Mais pas, tu peux laisser ça, c'est bien. En fait, on avait enlevé du iTunes les anciennes saisons parce qu'on voulait pas que les gens qui découvrent le podcast tombent sur ces vieux épisodes qui étaient un peu moins bons pour se dire « Oh, franchement, c'est pas très bon », etc. Ouais. Qui trouvent que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas bon. Dans ce cas-là, ils peuvent vraiment passer leur chemin. S'ils écoutent des trucs d'avant, ils trouvent pas ça bon, c'est dommage parce qu'on s'est amélioré. Ouais. Mais sur le site, ils étaient encore disponibles parce qu'on s'est dit « Bon, de toute façon, les mecs qui tombent sur le site, c'est que vraiment ils aiment. » C'est des vrais, quoi. Ouais. Autant qu'ils aient accès. Et en fait, dans l'année qui va venir, je pense qu'il est possible qu'on réduise la fréquence parce que un par semaine, c'est vraiment très vénère. Ouais. Et parce que ça fait. C'est chiant, quoi. Faut mater les films, faut préparer les trucs et tout. Enfin, au bout d'un moment, c'est. Voilà. Et. Puis vous tombez souvent sur des daubes, donc du coup. Voilà. Enfin, quand j'enchaîne, tu vois, Daredevil avec Ben Affleck, Jeu d'enfant avec Marion Cotillard, Guillaume Canet, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, mon cerveau, il va éclater. Ma meuf ne supporte plus venir chez moi parce qu'elle se tape des films. Ouais. Elle me dit, t'as maté les films 2 heures de perdu ou je peux venir chez toi? Ah oui, d'accord. Toi, ouais. C'est plutôt. Ouais, ouais, bien sûr. C'est intéressant. Ouais. Et du coup, voilà, on se dit que si jamais on ralentit le rythme, on voudrait rester dans un truc de 1 par semaine. D'accord. Et peut-être ressortir des anciens, parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui les ont jamais écoutés. Ouais. Et on se dit comme ça, ils sont plus accessibles et on les ressort. Et de toute façon, au bout d'un moment, le truc, il est plus accessible. Bah, 6 mois plus tard, tu le réécoutes, t'es content. D'accord. Donc voilà. Enfin, c'est plutôt pour. Voilà. Les gens, ils pensent qu'on l'a enlevé parce qu'on va les faire payer ou parce qu'on va faire des DVD. Ce qui en soi est une bonne idée marketing. Mais non, enfin, je trouve ça malhonnête. Tu vois, c'était gratuit avant, on va pas l'enlever pour Non. Payant. Non, non. Le Tipeee se passe bien d'ailleurs à ce niveau-là. Tipeee se passe bien. On va bientôt passer la barre des 1000 euros. Donc on est, mortel. On va plutôt une bonne chose. Non, c'est pas du tout quoi faire de cet argent. Hein. On a fait un Tipeee sans savoir ce qu'on allait faire de l'argent. C'est une très bonne idée. Faut pas le dire, ça. Non, en vrai, on veut faire des lives, mais en fait, on hésite entre prendre un local pour devenir un local. Tu veux pas faire un Tipeee comme ça, on somme l'argent qu'on a et on loue un local et on fait un vrai endroit pour faire du podcast. Bah franchement, pourquoi pas. En fait, c'est ça notre vrai projet, bien. Mais 1000, c'est pas assez. Ouais. Parce qu'on a pas assez de liquidité si jamais le Tipeee s'arrête d'être emmerdé avec un bail. Et là, pour le coup, bail dans le seul vrai sens du mot bail, que j'utilise normalement toujours pour dire truc. Ouais. Et parce qu'on aimerait vraiment faire cette maison du podcast. Bien sûr. Donc vraiment avoir un local avec, tu vois, tout le matos installé, la table, le compresseur et tout, le pur son. Et que plein de gens viennent faire du podcast là avec un emploi du temps, avec un truc. Ouais, ce serait top. Nous, c'est ce qu'on voudrait faire. Mmh. Et le problème, c'est que financièrement, c'est pas viable pour mettre un billet mensuel, ce qui est différent de, tu vois, claquer 3000 balles à la limite sans faire un Kickstarter. Oui, voilà, c'est ça. Non, là, c'est tous les mois, tu payes un local. Ouais. On aimerait bien un truc, tu vois, Paris intramuros, c'est tout. Mmh. Et potentiellement, ça coûte 1000 balles par mois. Ouais. Mais ça, franchement, moi j'aimerais vraiment faire ça, tu vois. Ouais, non, ça, mais en plus, c'est vrai que c'est compliqué parce que le podcast aujourd'hui n'est pas du tout rentable en termes de. Enfin voilà, on gagne pas d'argent. Moi qui ai vécu les débuts de YouTube, je redécouvre. Enfin, je dis pas que maintenant YouTube, tu peux devenir milliardaire parce que les gens qui travaillent sur YouTube me contrediront. Vous me contrediront. Bon, en tout cas, ils vont me contredire. Mais c'est vrai que c'est le tout début du podcast en France, en vérité, et que même si ça commence à faire un peu d'écoute, plus qu'il y a une certaine époque. C'est encore impossible d'en vivre évidemment aujourd'hui, loin de là. Par exemple, nous, on fait aucune, enfin, à Floodcast, on fait aucune opération pour que ce soit le cas. On refuse tous les partenariats. C'est donc, pas ce que tu disais en off. Ouais, gars. Non, mais après, voilà, si vous êtes une. Enfin, t'as quand même bipé tous les eaux précieuses de ce podcast parce qu'on avait, suite à l'eau oxygénée. Oui, c'est vrai. Non, mais après, effectivement, si vous êtes une marque, n'hésitez pas à nous donner de l'argent. La cascade, d'ailleurs, va te reverser. La cascade d'Ota va nous donner un joli petit billet. Antoine Daniel, j'ai vu une question qui était intéressante qui est passée, je l'ai perdue. Oui, j'ai vu la vidéo que tu as faite sur la masculinité. Qui est sorti sur Mademoiselle. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite. Non, c'est pas. Mais c'est en plus, c'est moi qui lit mal. Qui lit mal. Puisque la fin de la question est, je voudrais savoir pourquoi tu y as participé. Est-ce un sujet important pour toi ou pas? C'est un sujet qui est. En fait, c'est un truc auquel j'avais pas spécialement réfléchi. Je dois te le mettre. Après, c'est Mimi qui fait ça de chez Mademoiselle. J'avais trouvé son approche assez cool, en fait. Et tout simplement, je me suis dit, bah, pourquoi pas, m'avait proposé le truc. Et c'est vraiment pas aller plus loin que ça. Ça t'intéresse, quoi. Voilà, tu l'as pas fait par conviction, non, mais parce que ça t'intéressait. Bah, j'ai été payé très cher, en plus. Bah, Mademoiselle, il régale, attention. Hein. Non, mais juste, ouais, comme ça, quoi. C'est vraiment pas... C'est pas des convictions très fortes. Je suis surtout curieux de voir ce qu'elle va faire parce qu'elle lance un podcast sur on y revient sur la masculinité et du coup je vais voir ce que ça donne et puis elle m'avait juste appelé pour faire une toute petite vidéo d'intro avec elle et c'est tout quoi. D'accord, très bien. Voilà. Et une dernière question pour Luciole, je crois que tu en as un peu parlé en début de podcast mais peut-être que tu peux préciser comment es-tu entrée tout simplement à Golden Moustache? Par Vine, tout simplement. Tout simplement. Donc, je faisais des Vines, c'était en 2014, je crois. Waouh! Non, mais parce que j'ai vraiment eu un bug dans ma tête, je fais attends. Et c'est 2014-2015 à peu près. Et, vous connaissez pas PNL à l'époque, vous vous rendez compte? Un scandale. Et bref, ils sont tombés sur mes Vines et ils m'ont envoyé un mail en disant c'est marrant si tu veux venir, etc. Et moi, j'étais complètement perdue parce que du coup. Tu faisais vraiment des Vines de ouf ou pas? Ah non, justement, en fait, mes Vines, c'est vraiment dans mon lit et c'était... Mais ils cartonnaient de malade, par contre. Ouais, mais du coup, c'était juste pour moi de passer de quelque chose où j'étais dans mon lit à faire une vieille blague et ce qu'on me disait, genre, oui, donc voilà, nous, on fait des sketchs, t'as des idées. Et j'étais vraiment... J'étais habituée au format de 6 secondes. Au niveau du brand, est-ce que tu pourrais... Ouais, voilà, et du coup, j'étais un peu perdue. Je fais... Alors, j'ai une vanne, mais à chaque fois, je faisais des formats Vines dans ma tête et je suis la session du lab. Enfin, j'étais dans la session du lab. Où c'était quasiment que des Viners. Donc, il y avait Freddy Gladieux, Léopold, Anis, Le Pérave, ouais. Anis. Il y avait qu'Aurélien, qui n'était pas du tout de Vine, qui faisait YouTube. Qui faisait une chaîne YouTube, que je le rappelle, qui s'appelait Grippin TV. Ça. C'est une chaîne Dailymotion, même. Voilà, j'aimerais quand même le rappeler. C'était le seul qui était un peu perdu face à nous. Ouais, c'est ça. Et pourquoi Vine, c'est mort? Parce que c'est pas rentable. Parce que le patron est antisémite. Non, pas du tout. Pas du tout. Twitter l'a racheté. Voilà. Et après, ils se sont rendus compte que c'était pas rentable. Et Twitter est constamment, il faut savoir, c'est un site qui est constamment dans la merde financièrement, Twitter, malgré les apparences. Donc du coup, enfin, pour eux, c'était les serveurs coûtaient trop cher et donc le service coûtait trop cher. Je connais pas trop le détail de ouf, mais c'est dans un truc comme ça. Ouais. Fermer un service, c'est vraiment ouf. Hein. C'est vraiment, ils avaient... Rendez-vous compte. Pour moi, il y avait de la thune, je pensais. Il y avait des placements. C'est comme quand je lis que, enfin, genre, Twitter est dans la merde. Je suis en mode, mais comment c'est possible? Ouais, grave. Ou SoundCloud est dans la merde. Twitter, je vois pas trop. Je pense que Twitter, ça va un peu. Il y a des pubs qui passent. Moi, il y a des mecs que je suis pas sur Twitter donc en gros je vois un tweet qui est sponsorisé et donc c'est une vidéo et cette vidéo commence elle-même par une pub d'un autre truc. Oh putain. Genre c'est, tu vois, je vois un truc Marvel que je suis pas et avant de voir la bande annonce, je vois une pub pour Orangina. On est bouffé par la pub. Eh bien écoutez, c'était très intéressant tout ça, les amis. On va passer à la quatrième et dernière partie de l'émission, un petit jeu. Il y a Antoine de 2 heures de perdu qui est présent et à la fin de chaque 2 heures de perdu, alors c'est pas toi, c'est Mickaël qui les lit. Exact. Mais il lit, tu peux peut-être nous l'expliquer, des critiques du film que vous venez de voir. Voilà, souvent des critiques 5 étoiles d'un film très mauvais. Je crois avoir deviné le jeu. Okay. Tu vas nous lire une critique, on doit devoir éliminer le film, c'est ça? Non, c'est un brainstorming. Comment voler toutes les idées de Mickaël? C'était ça le truc. Non mais voilà, il lit des critiques. Il lit des commentaires 5 étoiles d'un film. Et souvent, c'est drôle parce que le film, ça fait quand même une heure qu'on le taille avec une grande mauvaise foi. Marrant. Et il y a un mec avec vraiment la plus grande sincérité du monde qui dit que c'est son film préféré. Voilà, et c'est un peu méchant. Voilà, mais c'est toujours drôle. Alors, pour reprendre un petit peu ce concept, je vais vous lire des critiques de films. Et à vous de deviner parmi 3 propositions de quel film il s'agit. D'accord. On commence avec ça. Un méga nanar, méga ennuyant, d'autosatisfaction d'un mégalo, sur la vie d'un mégalo, une méga daube, méga indigeste à éviter, sauf pour les mégalos. Alors, est-ce qu'il s'agit de Amadeus, on en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit de Citizen Kane ou est-ce qu'il s'agit du Bon, la Brute et le Truand? Citizen Kane. Je pense pas. Tu penses à quoi, toi? C'est certainement pas le Bon, la Brute et le Truand, en tout cas. Non, parce que c'est moins sur la vie d'un mégalo. Ça n'a pas trop de sens, en fait. Bah, je dirais Amadeus. Moi. Amadeus, eh bien non, c'est Citizen Kane. Ah, putain, vraiment. C'est que Mickaël fait mal son travail parce que normalement on a fait Citizen Kane, il a fait les commentaires et celui-là est exceptionnel et cet abruti n'a pas pris ce commentaire. Je le fais pas avec les voix d'ailleurs, c'est ça. Mickaël les lit avec des voix un peu particulières et je n'ai pas son talent. Quand tu lis ce genre de commentaires sur des chefs-d'œuvre intemporels, ça fait relativiser quand même sur Enfin, non, ouais, t'es en mode, même eux s'en prennent plein la gueule, tu vois. Donc, c'est cool, c'est tu vois. C'est vrai que là, Orson Welles prend. Ouais. Mais Orson Welles, pour moi, est un modèle de. En fait, faut de pas mégalo, se prendre. Oui, aussi, mais faut pas se prendre la tête dans la vie et faire ce qui nous amuse parce que Orson Welles a fait Citizen Kane, Othello et plein d'autres chefs du cinéma. Mm. Mais il a aussi fait la voix d'un Transformers à la fin de sa carrière et un prank radio, à savoir La Guerre des Mondes. Ouais. Ça reste un prank. Donc, moi, j'adore La Guerre d'Orson Welles. Je crois qu'il a fait Citizen Kane quand il avait 21 ans, pour info. Ah, putain, l'enfoiré. Ouais. Et ben, Transformers, il l'a fait à la fin de sa vie. Donc, tu vois, comme quoi, faut s'amuser. Je vous lis une nouvelle critique. Ce film est vraiment génial, même si des trucs ne sont pas vrais dans le film. Exemple, un petit fusil, comment c'est trop nion, et l'autre dit, ceci est un AK-47. En réalité, il s'agit d'un MP5K. Mais bon, ce sont des petits détails. Sinon, le joueur de CS. Sinon, je conseille. Est-ce qu'il s'agit de Redacted? Est-ce qu'il s'agit de Double Zéro? Ou est-ce qu'il s'agit d'Il faut sauver le soldat Ryan? Alors, je pense qu'à l'époque du soldat Ryan, il n'y avait pas d'AK-47. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il n'y a pas non plus de MP5K. Ouais. Je ne connais pas cette gun. Donc, ouais. C'est le... Je vois plus la je vois le verrou de Call of. Je connais ça, pas c'est les le 3-1 à CS. Je crois que, Redacted, je crois que c'est un film avec un film de. Comment il s'appelle Ridley Scott. Non, Brian De Palma. C'est un film à la première personne qui parle de la guerre en Irak et Double Zéro, c'est le même délire, c'est un film avec Eric Ramsey. Je pense que c'est Redacted. Ah, ouais. Attends, redis Redacted, moi. Redis Bubu Lacu. Ce film est vraiment génial, même si les trucs ne sont pas vrais dans le film. Exemple. Non, double, double Zéro. Double c'est zéro. Double t'aurais Zéro. Pas pris, t'aurais ouais. Pas pris avec ce film est vraiment génial. Ouais, c'est vrai que c'est Double Zéro. Bien joué. Putain, mais vous êtes hyper fort. Moi, Sherlock Holmes, mon gars. Certes, j'ai surnoté ce film. Alors, c'est un 5 étoiles. Je vous dis pas les étoiles avant, excusez-moi. C'est vrai qu'il faudrait 5 étoiles. Certes, j'ai surnoté ce film que je suis allé voir au ciné hier, mais c'est pour remonter la note, car je ne comprends pas comment on peut s'acharner sur un film à ce point. Mais c'est bien français, ça. Quand il y a une suite, on n'hésite pas à la démolir, alors que tout le monde regarde très facilement certaines comédies françaises qui valent pas un pichet de rosé. Bref, en réalité, pour moi, ce film vaut 3,5 étoiles. Après avoir lu les critiques, j'ai quand même été curieux de voir. Je m'attendais très franchement à la plus grosse bouse que j'ai jamais vue. Et finalement, c'est pas le film du siècle. Mais j'ai été très agréablement surpris. Les costumes sont sublimes. Alors, est-ce qu'il s'agit des Bronzés 3, des Visiteurs 3 ou de Camping 3? Les Visiteurs. De ouf. Ah, il n'aurait pas fait les costumes. Oui, c'est vrai, les costumes, j'ai... Ah. C'est totalement... Non, c'est les Visiteurs 3, exactement. C'est les Visiteurs 3. Un du même acabit. Quoi qu'en disent les médias du prêt-à-penser... Combien d'étoiles? 5 étoiles, toujours. Attends, j'aime beaucoup, là. Celle-là, elle commence très Quoi qu'en disent les médias du prêt-à-penser, ce film est bon. Bon parce qu'il raconte une histoire qui tient. Qui s'incorpore parfaitement avec le 1 et le 2, que la mise en scène et la bande originale relèvent les moments clés de l'intrigue. Alors oui, c'est clair, c'est pas la grosse poilade du 1. C'est un film moins drôle du fait que ce soit pas le même style. Et si nous tournons presque dans la comédie dramatique par moment. Bronzés 3. Plus dans l'action que dans la narration. Camping 2. De bon passage. Camping 3, les Visiteurs 3 ou les Bronzés 3? Bronzés 3. Moi, je suis sur Camping du coup. Je suis parti attends, là-dessus. Attends. Ah, je vais sur les Bronzés. Non, c'est encore les Visiteurs 3. Je vous ai un peu niqué, ça va. On aurait pu le deviner parce qu'on serait dit, bon, il est resté dans la même section des commentaires. Oui, je l'ai fait un peu à l'arrache. Et on attaque avec un dernier. Alors, celui-là, je l'aime bien. Niais, bateau, superficiel, inintéressant. Le jeu d'acteur et la réalisation sont nuls. Non, jeu d'acteur plat, réalisation qui fait le minimum. Mais jolie qualité d'image d'une caméra pro. De 2001, l'Odyssée de l'espace. Est-ce qu'il s'agit de Presque célèbre, Marié ou presque adulte, la série que j'ai coécrite. Oh, bah, on va dire que c'est ça. Mais c'était presque adulte, effectivement. Attends, relis la critique. Je vous le refais. C'est un truc que j'ai écrit. Alors que la critique aussi, du coup. Ouais, je peux le lire sur Bar Tabac, sur Presque adulte, c'est vraiment pas sympa. Niais, bateau, superficiel, inintéressant, jeu d'acteur plat, réalisation qui fait le minimum, mais jolie qualité d'image d'une caméra pro. Ça, c'est marrant. C'est juste que c'est la fin que TF1 a acheté le matos, quoi. C'est pas mal. J'aime bien parce que, en fait, il y a que deux critiques sur cette critique sur Presque adulte, et c'est ça et celle-ci. Et la seule truc qualitatif que j'ai pu trouver sur ce site, c'est jolie qualité d'image d'une caméra pro. Et ça me fait très bien très parce plaisir. Que vous n'avez pas hésité à acheter un matériel professionnel. Mec, c'est de la HD. Donc, si tu veux, à un moment, on est on fait ça à l'iPhone ou caméra pro? Bah, prends caméra pro. Ça, les critiques, elles vont le voir tout de suite. elles vont le souligner directement. Ça, je peux le dire, sur Sens Critique, ça va faire un carton, cette caméra. Des doutes. J'ai relu ton scénar. À mon avis, sur Sens Critique, il vaut mieux prendre une caméra pro dans pour le doute, prenons une caméra balancer pro. La note, quoi. Bon, les amis, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je refais un dernier tour de trappe pour de trappe. J'arrive plus à parler, il est 23h30 en France. Il est 23h30. Il est 23h. J'arrive plus à parler, il y a trop de mèmes dans ma bouche. Luciole, ton actualité, où peut-on te retrouver? Que fais-tu de beau dans la vie? Alors là, ça va plus être YouTube d'ici janvier 2018. Ok, ça tease. Soyez là et je vais essayer de faire une vidéo. T'as déjà reposté quelques trucs sur ta chaîne. Moi, j'ai vu tu faisais de la citrouille, tu découpais une citrouille avec Lara Doxal. Là, j'ai commencé à faire quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. J'en ai une dizaine à peu près. Et là, ça devient intensif. Et voilà. Et là, en fait, je prépare et d'ici janvier 2018. Hop là, on va y aller, c'est parti. Est-ce que je peux utiliser cette phrase de youtubeur sur Twitter, à savoir lourd, lourd, lourd, boum, vous n'êtes pas prêt, ça va arriver? Totalement. D'accord. Et est-ce qu'après, quand ça sera entendu, tu pourras dire n'hésitez pas à soutenir? En vrai, je vois pas tant de youtubeurs l'utiliser. quelques-uns, mais pas tant que ça. Ça se fait moins aujourd'hui. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Vous n'êtes pas prêt, je le vois parfois, mais je le vois souvent dit de façon second degré, mais en fait, c'est du premier degré. C'est ça, exactement. En fait, quand tout le monde fait du second degré, ça redescend d'un degré et ça redevient du premier degré. En tout cas, là, vous n'êtes pas prêt, voilà. T'inquiète pas. Si on part partage, on dira nouvelle vidéo de la Fréro. Ça, voilà. On n'hésitera pas. Voilà. Frollo. Antoine Daniel. Mon actualité? Oui. Oh, bah écoute, on va passer à une autre question tout de suite. Non, en ce moment, je suis en train de travailler, mais je préfère ne pas du tout dire sur quoi. Oui, parce vaut mieux. Parce que voilà. Les gens te le rebalancent dans la gueule après. C'est ça. Donc, du coup, travaille beaucoup en ce moment. Très bien. Et puis bon, vous avez quand même une petite fixe sur la dos. C'est quoi, 10 fois 20 minutes? Ouais, c'est trop long. Voilà, c'est beaucoup trop long. Non, mais voilà, vous avez 200 minutes d'Antoine Daniel à écouter. Et moi, c'est. Et 37 plus 5 épisodes de What the Cut, 37 normaux, 5 hors série, qui sont toujours en ligne. Qui sont toujours en ligne et qui font toujours plusieurs armes. Tu fais combien de voix dans Clyde Vanilla? Beaucoup. franchement un petit nombre. J'adore Moustachios, voilà, je te le dis parce que j'aime vraiment beaucoup. Je le ferai pas maintenant, mais c'est pas. Mec, t'es pas au gros stage, j'allais pas te dire. Allez, une mutation, Antoine. C'est très gentil, mais. Allez, on va faire un bon bourguignon. En vrai, c'est dur de tordre sa voix au point de. Enfin, tu vois, mais je suis très mauvais en plus. Franchement, on te flagelle pas parce que moi, je trouve qu'il y a un vrai côté de dessin animé dans Clyde Vanilla qui me fait rire. Ça, oui. Et Wendo aussi est super. Enfin, il fait 16 000 voix. Et non, vraiment, c'est très marrant. Et n'hésite pas à m'envoyer les chansons des. J'ai oublié leur nom, mais des deux mecs qui font du R&B. T-Dog Fury et Metal X. Ça me fait vraiment rire. Ça me fait vraiment marrer. C'est que des chansons dégueulasses. Antoine, où peut-on te retrouver actuellement? Quels sont les projets? Eh bien, moi, on me retrouve dans 2 heures de perdu toutes les semaines. Tous les mercredis, je crois. Tous les mercredis à 10 heures du matin. Voilà, les 3-8. Hein. Donc, on est très régulier. Je vais faire une bande FM le 21 décembre, c'est-à-dire que c'est une émission en live. Direct. Est-ce que tu peux dire, parce qu'on l'a pas vraiment dit tout à l'heure, qu'est-ce que la bande FM? La bande FM, c'est un hommage à la radio libre de Skyrock, Fun Radio, Énergie, etc. Ou en full, gros, Max. De 21h à minuit. Morad aussi, exactement. De 21h à minuit. Et ben on laisse une adresse mail, enfin en gros vous envoyez un mail, vous dites le sujet dont vous voulez parler, votre numéro de téléphone et on vous rappelle. Donc on s'est vraiment fait chier à avoir une install où on peut avoir deux téléphones en parallèle, etc. Vous envoyez ça dans la carte son, etc. Et on passe 3 heures à vous appeler, on prend vos anecdotes, etc. On va essayer de faire mieux que la première parce que la première c'était plutôt laborieux et voilà. Moi j'ai écouté, moi je trouvais que c'était cool. Bah c'est difficile, ça cherche, c'est normal. Il y a plein de petits exercices, tu sais, raccrocher, c'est dur. Vous avez eu un facho en ligne, c'est toujours compliqué à gérer. On a un petit soralien. Non, mais en plus, pour le coup, je crois qu'il ne l'était pas parce qu'il nous a envoyé un mail derrière. Non, il voulait troller un peu en mode blague. Disant, oh putain, j'ai trop honte, c'est une blague, etc. Donc, on lui fait de gros bisous. Voilà. Voilà. Et puis sinon, je suis en train d'écrire une fiction audio. Voilà. Ah! Quand j'ai appris qu'Antoine. J'ai fait quoi? Antoine Daniel, il fait la fiction? Je vais faire une fiction, ça. Attends, j'ai le même prénom, tu rigoles ou quoi? Ouais. Pareil, Luciole, elle a pris une bière. Je prends une bière, j'en prends deux. Je m'appelle aussi Antoine aussi. Début. Non, mais voilà, on fait une fiction. Alors, j'aurais jamais l'audace de l'autoproduire, parce que je pense que c'est très, très, très, très ambitieux. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas du tout la possibilité. Ouais, écoute, je suis millionnaire, donc c'est facile. Mais c'est, enfin, au-delà de l'argent, je pense que c'est une notion de. Bah déjà de courage. Bah Antoine, toi, t'as fait que ça. En plus, quand t'as créé ta série audio, t'as fait quasiment que ça, quoi. Bah oui, parce que je me suis vraiment occupé de tout. En plus, ouais. Ouais, enfin, ouais. Non, c'est vraiment un gros, gros, gros, gros, gros travail. Ouais, de ouf. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Merci encore d'être venu. Merci. Moi, je reviens un peu toutes les semaines. Donc, en vrai, mon actu. En plus, je travaille sur des trucs qui sortent dans longtemps. Voilà. Et du coup, ça sert à rien d'en parler. Vous les verrez bien au moment venu. Et puis voilà, comme vous l'avez entendu dans le jingle au début. Bon, normalement, il devait y avoir Adrien Méniel. Mais comme vous l'avez entendu dans le jingle au début. Et on l'a pas rappelé pour faire. On l'a jamais rappelé. Écoutez, les malades, on va le laisser tranquille. Et oui, on va essayer de tenir un rythme de tous les lundis. Je sais que je l'ai dit 16 fois dans ce podcast. Bon courage, je pense que c'est faisable. Tu devrais le couper au montage, mec. Ouais, je vais pas m'emmerder. Non, mais voilà, on essaiera. Et si on y arrive, c'est cool. Si on n'y arrive pas, tant pis. En tout cas, je vous embrasse. À très bientôt. Bisous. Ciao. Bisous. Bye. Salut. c'est Jean-Louis Aubert.